Et nous revoilà. Donc mes amis, nous reprenons. Je vais faire un petit résumé pour ceux qui n'auraient pas regardé la vidéo de ce matin. Je vais essayer d'assez faire court quand même. Donc nos amis, je ne t'entends pas Xen, mais... Moi, c'était encore frais. D'accord, oui, mais je pense que notre ami ici présent, Kassim Polat, ne sait pas grand-chose. C'est marrant parce que on est quand même l'inverse, il est en blanc, je suis en noir, c'est marrant. Du coup, vous êtes donc, je vais reprendre un petit peu derrière, vous êtes donc revenu aux affaires, suite, enfin, revenu de votre dimension parallèle. Vous êtes rentré à Londres. Catherine, ici présente, et Nelson ont été légèrement blessés et donc ont eu une convalescence à peu près d'une semaine. De l'autre côté, Peter et Emilio, eux, ont vaqué à leurs occupations à droite à gauche. Emilio, toujours aussi honnête, a fait des petits boulots, l'honnêteté la plus J'ai bossé, absolue. quoi. Et Genre une une grosse tête. semaine est passée et ils ont rejoint Catherine et Nelson à la propriété de Nelson. Ils ont, disons, un peu mis à plat les informations qu'ils ont collectées depuis le début de leur enquête. Essayer un petit peu aussi de digérer leur aventure, leur petite expérience extradimensionnelle. Et finalement, on décidait, eh bien, de se lancer dans leur voyage, dans leur périple qui les attend à la recherche des morceaux du simulacre de CDFK. Tout d'abord, ils doivent se rendre à Paris. Donc, ils ont pris des billets pour l'Orient Express. Mais d'abord, il faut se rendre à l'Orient Express, puisqu'il ne part pas de Londres. Donc, les voilà partis pour d'abord le train pour Douvres. D'ici arrivé là-bas, ils prennent le ferry qui les emmènera à Calais. Une fois arrivés à Calais, ils auront un train qui les emmènera jusqu'à Paris, qui après, il y aura une petite... une petite connexion, enfin une petite enfin, bref, un petit chemin à prendre pour récupérer l'Orient Express, parce que l'Orient Express ne part pas tout à fait de Paris. Escale. Une Sur escale. ce, Non? voilà, ouais, ou enfin c'est un ils prennent une correspondance, voilà, on va dire une correspondance, c'est très bien. Sur ce, vous voilà donc dans le ferry pour Calais. Et là, vous décidez justement d'ouvrir ce fameux journal du docteur, enfin du professeur Smith, qui vous a demandé de le faire en direct quand vous serez en direction de Paris. Chose que vous faites. Et là, en fait, vous voyez que c'est comment dire, une histoire qui a été écrite par le professeur lui-même, qui raconte en gros des faits qui se sont passés, qui sont réels, et qui se seraient passés à Londres en 1893, le 15 octobre, très exactement. Vous voyez que parmi ces... En feuilletant rapidement les pages de ce journal, vous avez remarqué que à l'intérieur, il y avait divers documents, des télégrammes qui ont été disséminés par-ci par-là, et que l'écriture du professeur Smith, au fur et à mesure des pages qui s'égrènent, qui passent, a l'air d'être de plus en plus... irrégulière, comme s'il était frappé de troubles, plus on avançait dans l'écriture. Mais bon, soit. Vous commencez donc à lire. Vous allez voir donc en gros l'histoire de quatre personnages, trois, quatre personnes, dont le professeur Smith, et Voici ces personnages. Vous avez donc Kasım Polat, un historien turc. Le capitaine Barrington. Vous avez George Banks. Bonjour George Banks. Et pour finir, Harry Worth, hein, le professeur Harry Worth. Tous les quatre, vous recevez un message, un télégramme du professeur Smith. Alors, je vais cette fois-ci le récupérer en essayant d'être un peu meilleur que la dernière fois. Balance-nous le scénar, ce serait bien. Ouais, allez, c'est parti, attends, je t'envoie ça. Hop, scénar, alors tu veux le combien? Le 1, le 2, le 3, tu veux lequel? Envoie la totale. Alors, hop, attends, il est où ce message? Ah là, c'est ça. Donc comme ça, toi tu l'auras, Kasım Polat, tu l'auras. Normalement, vous avez dû le recevoir, enfin pour ceux. Ouais. C'est bon pour toi Maxime. Donc vous recevez tout ce message du professeur Smith, qui vous donne rendez-vous justement à la rue de Ward Street à Whitechapel. Donc Whitechapel qui est un quartier ultra malfamé à cette époque et qui n'est autre que le quartier où a sévi un très célèbre gentleman du nom de Jack l'Éventreur. Voilà. Quelques années auparavant, il avait témoigné de l'affection pour certaines prostituées dans différentes rues de Whitechapel. C'est là où vous êtes. D'ailleurs, le professeur Smith vous met en garde et vous demande de venir armé. Chose que j'imagine vous avez tous fait. Sur ce, vous vous rendez donc à la rue de Ward Street. Et vous arrivez donc dans une rue très... vous êtes arrivé dans une rue très sombre, très... en gros, il fait nuit. Il y a une espèce de brume qui est lancinante un peu partout. On y voit très mal. Et du coup, il y a des odeurs. D'ailleurs, il y a une boucherie... un abattoir pas loin, donc il y a des odeurs très fortes de viande, ouais. Très très sanglant, voilà. Et vous avez vu du coup ce fameux professeur Smith qui vous attendait devant le 5 de Wall Street, qui faisait un peu les 100 pas, très très très stressé, très anxieux. Et au moment où vous arrivez avec lui, vous n'étiez que trois. Puisque Kasım Polat, lui, n'était pas encore arrivé, il avait un peu de retard. Donc, vous êtes arrivés tous les trois, Barrington, Worth et toi, Banks. Et vous êtes montés avec lui. Au début, il était très énigmatique, il ne voulait pas trop vous dire quoi que ce soit. Et vous avez vu qu'il a rencontré une femme, la tenancière, je pense, la concierge de l'immeuble, qui... lui a parlé un petit peu, lui a donné quelques billets, enfin pas billets mais quelques pièces, et elle vous a fait monter à l'étage. Et quand vous êtes monté d'ailleurs, vous avez été pris très rapidement au vif par une odeur mais immonde, comme si vous aviez eu du poisson qui aurait été vomi et qui aurait macéré. Imaginez l'odeur horrible que ça pouvait être. Et en fait, incroyable, vous êtes dirigé vers cette odeur pour rentrer dans une pièce qui, elle, était très très sombre. Elle n'était illuminée que par quelques bougies, donc à une pénombre. Et quand vous êtes rentré, vous avez vu qu'à l'intérieur, il y avait deux personnes. Deux personnes, une assise, au chevet d'un lit. Une personne qui était encapuchée et qui dont vous ne pouviez voir le visage. Et une autre personne qui était alitée et qui, selon vos toutes vraisemblances, était la source de cette odeur. Enfin, assez rapidement, vous pouvez deviner que la personne qui est alitée semble d'un âge très avancé, mais que elle est complètement nue, qu'elle a l'air d'être presque cadavérique, vivante, mais cadavérique, et que, aussi incroyable que ça puisse paraître, est attachée au lit. Poignée, cheville. Certains d'entre vous, vous êtes demandé, mais qui sont ces personnes? Vous avez questionné le professeur Smith, qui, dans un premier temps, était assez muet, au grand désarroi de vous trois, et à un moment donné, il est enfin décidé à vous parler et vous dit que. Eh bien, ce qui se passe ici est très compliqué et pourrait devenir dangereux par la suite. Et c'était pour ça qu'il vous avait fait venir sur les lieux. Alors, attendez, hop, je me remets. Alors, tap, faut que je me remette comme il faut. Tip. Alors, faut que je me mette sur le truc. Alors, donc il vous présente le médecin, le docteur Niels Hobbs. C'est la personne qui est au chevet de la personne. Et vous fait part de ce qui s'est passé en fait ici même. Donc je vais réexpliquer parce que comme ça, Maxime, tu auras un peu ce qui s'est passé. En fait, il y a 4 jours de ça, des personnes sont venues dans cet immeuble et sont venues avec une personne. Toutes ces personnes-là étaient avaient des fezes sur la tête. Alors, hop, je vais essayer de vous mettre un fez comme ça. Attends. Voilà, comme ça vous l'aurez tous. Hop. Voilà ce qu'est un fez. Voilà. Tous les hommes, en fait, avaient des fez sur la tête. Sauf un qui avait un haut de forme. Ils étaient accompagnés d'un homme mal en point qu'ils ont emmené du coup dans cette chambre et l'homme en fait au haut de forme a payé justement la concierge pour pouvoir rester ici, prétextant que cette personne avait besoin de soins. Que cette personne avait besoin de soins et qu'il devait s'occuper de lui. Seulement, voilà, le premier jour, le premier soir, les gens, les voisins et le quartier ont entendu des cris abominables. Mais des cris abominables pendant toute la nuit. C'était une horreur. La deuxième nuit, ça a été pareil. À savoir que les voisins ont même cru voir des ombres. Alors qu'il n'y avait personne. Une espèce d'ombre passée. Alors que, à vue comme ça, il n'y avait personne qui passait dans le coin. Donc c'était très troublant. Sur ce, l'homme haute forme a décidé de retourner voir la concierge et a prétexté voilà, de lui faire une rallonge. Parce que, voilà, il voulait qu'il soit pas dérangé. Car en fait, la personne qui était là était un ami. Ils essayaient de le sevrer car il était accro à des drogues et que c'était pour ça qu'il y avait des bruits horribles parce que il était en sevrage et que c'était très dur pour lui. Troisième nuit, ça recommence, des cris horribles. Le quartier, ils essayent de de faire avec jusqu'au quatrième jour, où là, ça a été le soir de trop, en fait. Et les gens ont appelé la police. Les gens ont appelé la police et la police a débarqué. Et aussi incroyable que ça puisse paraître, la personne en haute forme et les gens qui l'accompagnaient ont disparu. Quand ils sont rentrés dans la chambre, ils ont trouvé cette personne attachée, comme vous le voyez. Ils ont fait leur petite enquête et ils ont mandaté mon cher ami qui est là, le docteur Niels Hobbs, pour s'occuper de cette personne. Et du coup, après quelques soins, la personne a cité mon nom. Pour aussi fou que ça puisse paraître, la personne a cité mon nom, donc le docteur a décidé de me faire venir sur les lieux. Et quand je suis venu, j'ai eu la stupeur de voir cet homme. Et pour être honnête, et c'est là que ça commence à devenir assez intriguant et même... ça fait peur, quelque part. Vous avez peut-être noté que j'étais plutôt anxieux. C'est que tout simplement, cet homme que vous voyez ici, bien je le connais. Mais il n'est pas aussi vieux qu'il puisse paraître, en fait. Parce que tout simplement, cette personne-là s'appelle Mathieu Pouk. Mathieu Pouk, et cette personne a une vingtaine d'années. Et en fait, quand vous voyez, vous avez quand même du mal à percevoir la personne parce que la pièce est très sombre. Mais vous devinez quand même que pour vous, vous diriez qu'elle a 80 balais, qu'elle est aux portes de la mort, quoi. Et en fait, quand il vous explique ça, ben non. Ce jeune homme, il a une vingtaine d'années. Et ce serait l'étudiant d'un de ses amis les plus proches, le professeur Demir, qui vit à Constantinople. Mais bon, je veux pas vous en dire plus pour l'instant. Là, dans l'urgence, maintenant que la police est partie, il faudrait... C'est pour ça que je vous ai fait venir, qu'on emmène la personne, qu'on emmène ce jeune homme et qu'on le mette en lieu sûr. Parce que si on le laisse là, ces personnes vont venir les chercher. Et croyez-moi, de ce que j'en sais, ce ne sont pas des bonnes personnes, ils sont dangereux. D'où le fait que je vous ai demandé de venir armé. Et il faut partir très vite. Sur ce, je vais faire venir notre ami Kassim Polat. Donc Kassim, tu arrives en face de la rue, enfin en face du numéro 5. Voilà. Tu vas me faire, d'ailleurs, je demanderai avant d'oublier, à notre ami... Harry Worth de ne pas oublier de cocher sa case TOC puisqu'il avait réussi un test de TOC à la partie d'avant, à la session d'avant. Je ne l'ai pas oublié. Voilà, bon, c'est très bien. Donc justement, toi, Kassim Pola, tu arrives et je vais te demander à toi de faire un jet de TOC, s'il te plaît. Non. Tu l'as fait déjà ? Toi, il est pas très fort en TOC. Non. il a pas compris le jeu, ce personnage. Eh bien, tout simplement, tu entres au 5 et tu croises cette fameuse dame que tu ne connais pas. Et que fais-tu? bah, je vais demander du coup à cette fameuse dame si elle a ouï dire la présence du professeur Smith pour que je puisse le rejoindre. Vous êtes avec ces hommes qui sont montés il y a quelques instants à l'étage, je présume. Oui, c'est ça. D'accord. Eh bien, écoutez, vous montez à l'étage, vous tournez à gauche. Si je puis dire, suivez l'odeur. C'est plus simple, hein. Vous verrez, de toute façon, là où l'odeur est la plus forte, je pense que... je pense que vous trouverez la porte. Très bien. Je vais suivre l'odeur. Effectivement, tu suis l'odeur, c'est infâme. Et tu arrives devant la porte. Que fais-tu ? Mais je rentre, on m'a dit qu'ils sont là. Donc pendant... Vous trois, pendant que vous êtes captivés par ce qui se passe, que le professeur Smith vous met en garde sur une menace potentielle, d'un coup, derrière vous, dans une pénombre marquée, la porte s'ouvre. Je sors mon arme en visant la porte. C'est l'heure. Ok. Donc, au moment où vous vous retournez, voilà, toi, Cassim, tu vois une des personnes braquer une arme dans ta direction. Wow, doucement. On nous a dit de venir armé, mais il n'y a pas de raison. Laissez votre arme, je le connais. C'est un de mes précieux amis. D'ailleurs, le professeur. Professeur Smith. Oh, Cassim. Excuse-moi, j'ai eu des problèmes récemment avec, vous savez, ma jambe, tout ça. Et, Oui, tout à fait. Vous nous avez fait peur, mon cher ami. J'ai bien cru qu'on nous tombait sur le col. Mais soit, ça me fait extrêmement plaisir de te voir avec nous. Je te raconterai un peu ça tout à l'heure, parce que j'ai déjà raconté tout ça à nos amis. Mais sache que nous avons à amener cet homme à l'IT, celui que tu vois là-bas, et nous devons le sortir très rapidement de cet endroit pour le mettre en sécurité. Du coup... Vous faites quoi ? Vous êtes, vous voyez le docteur Niels Hobbs qui se lève, mais qui reste quand même au chevet. Le professeur Smith, lui, vous dit qu'il va falloir emmener l'homme. Donc ils ont, le docteur avait espéré un brancard de fortune dans un coin. Donc que faites-vous ? Il se charge de porter l'homme. Enfin, qui sont les deux personnes malheureuses qui vont porter l'homme ? Prends les pieds. Ça pue le plus, mais bon. Ok, donc qui s'occupe de la tête ? Alors du coup, je suis pas costaud pour un sou. Moi, je suis en conversation avec Smith pour savoir les tenants et aboutissants de notre rencontre. Alors Smith, du coup, se tourne vers toi, George Banks, et dit. George, s'il te plaît, tu es bien costaud, bien jeune. Je pense que tu seras tout à fait te charger de ça avec notre ami le capitaine. Oui, on dirait qu'il n'y a que moi qui peux faire cela. D'accord. Donc, vous dirigez, toi, capitaine, je vais t'appeler capitaine, ça ira plus, ou Barrington, si tu veux. Barrington, tu... Mais je vous en prie. Voilà, tu vas te dire. Là, c'est le MJ qui parle. Hein. Barrington, tu vas aller donc au niveau des pieds avec de la personne, et toi, justement, George, tu vas aller au niveau de ses mains, du haut du corps. Je vais te demander, George, de faire un jet de toc, s'il te plaît. Ah, oh, pourquoi toc? Ah non. Ok. C'est pas grave. Pète un point. En vrai, pète un point. Hein. Ah mais en plus, c'est pas ma chance actuelle, ouais, c'est bon. Allez, bam. Bon, tu pètes un point. Je vais vous demander, les gens, de couper votre casque, s'il vous plaît. Georges, tu te rapproches de la personne. Et plus tu te rapproches, plus tu commences à vraiment distinguer les contours, le visage. Tu vois que elle est vraiment cadavérique. Tu vois vraiment creusée. Limite, on voit presque la marquation du squelette. Enfin, c'est vraiment. Okay. Pour toi, c'est une personne. Elle va mourir, quoi. Quand tu la vois, tu dis mais comment elle est encore vivante? Tu vois que sur son visage et même sur le haut du corps, puisqu'elle est, elle est nue, il y a plein de taches, plein de nécrose un peu sur elle. Mais que elle a le fez sur la tête, puisque elle était nue, mais qu'il ne restait, qu'elle n'avait que sur elle, juste un petit tissu pour cacher ses parties génitales. Normal, et un fez. Aussi surprenant que cela puisse paraître, sur un fez. Tête, sur sa tête. Mais quand tu te rapproches, tu vois que ce fez, il est bizarre. Il est huileux. Comme s'il était. C'était un fez rouge, mais huileux. Tout gras. Et un truc qui te marque encore plus, et c'est là que tu te dis qu'il y a quelque chose qui va pas. Sa peau du crâne a fusionné avec le fez. Comme si le fez ne faisait qu'un avec sa tête. Voilà. Voilà. Je crois que je vais vomir. Exen ! Pardon. J'étais absorbé. J'étais absorbé par ce que vous disiez. Ah. Je crois que j'ai vomi. Il y avait un truc pas beau. Ah. Ah, c'est bien, je suis pas tout seul. Ah. Ah, c'est dégueu. Vous voyez que Georges est dégoûté. Enfin, il a presque un haut-le-cœur. Georges, qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe-t-il? Que vous arrive-t-il, mon garçon? Et sa tête là, son chapeau là, il a un fez lui aussi, et on dirait qu'il est couché quoi sur sa tête. On dirait qu'il fait qu'un avec sa tête là. Il y a pas de point de suture et tout, non, c'est... Ah. Je peux m'approcher pour voir ce qu'il est en train de... Effectivement, tu te rapproches et tu remarques, aussi incroyable que cela puisse paraître, que la peau du crâne du jeune homme est fusionné avec le fez, comme si ce n'était qu'une seule et même chose. Et aussi, ce que tu notes, c'est que le fez, donc c'est un fez rouge, c'est un fez qui est comme huileux, gras, comme si c'était presque vivant. Est-ce que, avec ma science occulte, je peux peut-être savoir ce que c'est? Essaye. Une pratique peut-être de fez mélangée à des huiles, peut-être. Voilà, je sais. Moi, essaye. Essaye. Ah ouais, d'accord, il y a de l'anglais et du. Ok. Je trouve pas connaissance occulte. Alors attends. Ok, c'est bon. J'en ai deux, j'en ai une à 5%, j'en ai une à 65%. On va dire pour la... Oh ! Pas la chance. Eh bien, tu essaies de comprendre, enfin de d'analyser le truc. Ce que tu notes en fait, qui te parle quelque part, c'est que en regardant mieux le fez, tu vois que sur le fez, tu notes des symboles. Mais ces symboles, en fait, bon, c'est des symboles d'une langue étrangère qui doit être très vieille, parce que tu ne peux pas, tu ne connais pas cette langue, tu ne saurais pas dire ce que c'est, mais tu supposes qu'elle est vieille, et Mais ce qui te choque encore plus, parce que tu regardes de plus près, ces symboles, ils bougent. Ils sont pas fixes. C'est comme si il y avait une distorsion. Tu voyais les lettres ou les pseudo-lettres, les pseudo-symboles bouger. Alors au début, tu te frottes un peu les yeux, tu te dis c'est toi, c'est la lumière, ça te. Mais je pense à une fusion justement. Mais du coup, tu es en train de me dire que le truc, il tourne sur eux ou ils sont en train juste de se déplacer dans non, un. Non, en fait, comme si tu imagines que sur la paroi du fez, comme s'il y avait des symboles. Mais ils ouais. sont pas forcément en train de tourner comme ça, mais juste voilà, ils sont c'est chaotique. Ils sont comme ça quoi. Genre, tu vois. Oh, c'est mystique. Et tu vois, ils se font des distorsions comme ça ou comme ça, tu vois. C'est comme s'ils étaient un peu vivants. Est-ce que je peux sentir peut-être une odeur particulière, certainement peut-être de l'huile, et reconnaîtrais cette odeur peut-être. Le problème, c'est que. L'odeur est tellement forte, ouais, l'odeur horrible de la pièce, et donc de cet homme, puisque c'est lui qui sent ça, que tu peux rien sentir d'autre que cette odeur qui vous prend au nez, et limite ça vous donne envie de gerber, quoi, tellement c'est dégueu. Mais voilà, c'est là que tu... Mais même ton occultisme, aussi bon qu'il soit, et même ton succès, ne te permet pas de savoir ce que c'est. Tu n'en as aucune idée. Tu as juste noté ça en plus. J'ai qu'une seule envie, mais j'attendrai peut-être qu'on soit arrivé à destination, mais c'est d'enlever le fez. Je vais vous demander aux gens de faire tous un jet d'écouter, s'il vous plaît. D'écouter. Bah moi, je suis déjà en train d'écouter, en fait, à la base. Du coup... Bah ouais, forcément, moi, je suis concentré avec le monsieur Smith. Ouais, j'adore ça. Ah, ils ont des scores de malades, ces personnages. Ah, c'est vrai qu'ils sont pas mal nuls. Hein. Ah non, mais je regarde. Vous avez tous fait un échec. On est tous entre ceux qui écoutent la discussion là par rapport à ce fez magique et ceux qui écoutent Smith pour savoir ce qui s'est passé. Personne n'est attentif. Mais en tête, vous avez. Attends, j'avoue que j'ai pas forcément pris le temps de regarder vos. Bon, en fait, la moyenne des stats, c'est autour de 30. Il y a des trucs à 55 et il y a beaucoup de trucs à 20. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de trucs à 20. C'est vraiment, vous êtes pourris, en fait. Ah ouais, on est pourris, hein. Ah non, mais on est des très lourds, là. C'est pas du Donjons et Dragons, c'est pas grave, mais ça reste quand même assez rigolo. Sinon, vite, moi j'ai des capacités au-dessus de 70, hein, j'ai des capacités à 90. Attends, fais voir. Parce que là c'est tout simplement que il y a les fiches qui sont là, c'est pas moi qui les ai faites. Attends, je vais regarder quelque chose. Attendez. C'est pour ça que je suis déjà en folie persistante. Je me demandais. Non, c'est vrai, mon perso est déjà en folie persistante. Je me demandais s'il y avait un truc. Ah oui, je suis à 10 aussi. Ah non, attends, non, ça c'est le PV. Je crois qu'il y a des points bonus qui n'ont pas été distribués, à mon avis. Après, en vrai, t'es le MJ. Tu as droit de dire ce que tu veux, même si les dés disent le contraire. Oui, c'est pas faux. Triche. Tu es un MJ. Tu as le droit. Attends, parce que là, je suis en train d'essayer de voir quelque Après, chose. On a fait aussi des jeux pas super super hein, pour écouter. Hein. Ah ouais, non, mais on. Attends, y a personne qui a même pas fait un petit truc pas très loin. Je fais 36, mais. T'es large, loin. Ah ouais, non, merde. Je regardais les. Les étoques, c'était un peu mieux. Ah oui. C'est vrai que toi, t'es à la limite le seul qui peut être sauvable. Nous, on a quand même fait 92, 80, 73. Ouais, hein. Tu vois, c'est. Je vais quand même regarder quelque chose. On a pas entendu, et puis voilà, c'est bien. Parce que ça m'intrigue. Non, mais tu sais, c'est pas grave, c'est bien d'être nul des fois. Oui, non, mais c'est surtout que. Voir si. Surtout que vous devez survivre plus d'une session, oui, bah ça. On fait notre mieux, hein. Attends, parce que j'ai les fiches. Aussi, là. Non, mais j'y crois pas, attends, le mec il m'a dit il a des stats à 90, mais. Ouais, il a quoi, moi, j'ai le même perso, mais donne-moi tes stats, hein. Attends. Ouais, mais après, je te dis ça, attends, c'est des langues. Attends, j'ai. Si, j'ai écouté à 40, mais c'est en listen, c'est pour ça. Attends. Là, moi, je vais regarder. Moi, ma plus grosse carac, c'est langue maternelle 75. parce que regarde, on parle bien ma langue. Regarde, j'ai Listen à 40. Du coup, ça passe. Prestance, agilité. C'est parce qu'on a plusieurs fois la même caractère en fait. Une fois 60. En anglais, une fois. Parce que là, par exemple, moi, ma... par exemple, pour Worth, le talk de Worth dans la fiche c'est 65. Donc, toi, ton talk c'était. Le 65 c'était en anglais ou c'était en français? Worth, non, c'est le personnage de Xen en fait. Ouais, je sais. Moi, j'ai talk à 25 et j'ai spot Eden à 75. Ouais, donc. Spot Eden. À 75? Oui, je l'ai à 75. Ah mais oui, mais il y a des trucs en... Ah putain, j'avais pas fait gaffe, mais oui. Ouais, t'as vu. J'ai psychologie à 70 aussi, sinon. Non, moi j'ai des bonnes compétences, mais pas... Enfin, je savais pas que c'était ça en anglais. Pourquoi? Pour moi, genre, science occulte, j'ai 58% par exemple, tu vois, pour le Harold, processeur Harry Worth. J'ai 65 en occulte. Ouais, donc tu vois, c'est pas... Ça a beaucoup changé. Je pense qu'ils ont dû faire des jets à la derrière pour augmenter, parce que en langue, own, j'ai 90, hein. C'est normalement pas possible de faire ça à la création. Non, mais je pense qu'il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné, clairement. Moi, je fais avec la feuille qu'on me donne, hein, maître. Oui, non, mais je... Tu veux que je remette par rapport à ce qu'on avait vu du PDF? J'avoue, sinon on peut faire des stats et on regarde juste, enfin, tu sais, on lance juste des dessins habituels et on fait avec le PDF à côté, hein. Ouais, on va faire comme ça parce que, non mais parce que sinon ça va être injouable, là il y a des trucs dans tous les sens qui n'ont pas lieu d'être. On lancera les dessins, moi je prends la fiche, hop, elle est ouverte. Non mais pour ce soir on va faire comme ça. Et pour la prochaine fois, moi, je changerai tout bien comme il faut. Mais et pourtant, j'étais persuadé de les avoir refait moi-même. Mais je sais pas pourquoi, je ne trouve pas ma fiche à moi, en fait. Je ne sais pas. Surtout que les fiches que tu nous as données, c'est même pas les caractéristiques ne sont même pas celles qui sont oui, dans c'est, la... Oui, c'est ça. C'est pour ça. Parce que là, tu vois, professeur Harry Worth, archéologue. Ah, bah c'est peut-être pour ça, parce que je me travaille qu'avec de la dynamite aussi. Je me suis posé la question, pourquoi j'ai ça? Ah, et tu vois... Excusez-moi, je crois que c'est lui le méchant. Et tu vois, et moi, toi, t'es archéologue britannique, et moi, j'ai un... Dans ma fiche, j'ai Quoi? Cède, on est en live, te prends pas la tête. D'accord, désolé. Bon, non mais t'inquiète, mais va au plus simple. Va au d'accord, plus simple. Bon, on va faire comme on a dit. Vous allez prendre vos machins là. Et voilà. Et voilà. Désolé pour le live. Ça, sinon les pauvres gens ils vont regarder. Ouais, non mais c'est les aléas du truc, tu vois. C'est la magie du live. Y a jamais les trucs qui fonctionnent comme il faut. T'inquiète, on lancera des dessins. Donc, écoutez, vous allez tous me refaire un jet d'écouter. C'était écouter, oui, c'est ça. Jet d'écouter avec les bonnes stats. Alors, je vous fais confiance, je sais pas quelles sont vos stats. Mais moi non plus, je sais pas. J'ai 65, moi, en écouté. C'est bien mieux. Alors, moi, j'ai pas, donc ça... J'ai fait deux jeux, je les avais bien fait, et là, je le fais mal. J'en ai marre. C'est vrai que quand c'est pas écrit... Et c'est de base. Regarde sur la fiche, c'est marqué. De base, c'est combien? C'est 20, de base. Ouais, ok, mais, donc ça veut dire que j'ai 20, donc non. Je pense pas qu'il est 20, honnêtement. Moi j'avais raté au premier lancer. Hein. Bah, moi j'avais raté les deux premiers lancers et là le troisième, ça passe pas. Bon, est-ce que quelqu'un a réussi? Je crois pas. non. Ah, mais si, Wars il a fait 5. Non, c'est le deuxième dé que tu dois avoir. C'est le deuxième, c'est 26. Et 26 sur 20. Ah! Eh bah du coup on a tous pas réussi. Non mais là on a pas réussi avec les bonnes règles. Mais c'est bizarre parce que tu vois George Banks il a 65 mais les autres ils ont rien du tout en fait, ils sont tout nazes en écouter. Mais écoutez. Oui c'est normal hein. Bah, non, on écoute pas justement. Non mais je m'enlève 6 points de chance et puis c'est bon. Écoutez. Du coup, t'enlevé ta chance, donc tu vas pouvoir entendre. Et bah, en fait, ça tombe bien parce que c'est toi qui es le plus proche du Fez à ce moment-là. En plus de ces symbole qui bouge, eh bien... Fesse parle. Tu as l'air d'entendre un murmure comme des... qui proviendrait de l'intérieur du fez. On va faire sauter le fez. J'ai de la dynamite, les gars. Tu vas me faire un jet de santé mentale, s'il te plaît. Non ! Je suis con, je vais de la santé mentale au lieu de des points de chance. Raté. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Tristesse. Alors attends, faut que je me remette maintenant à la bonne page, évidemment. Hop. Voilà. Attends, excusez-moi. Les voix m'appellent dans le fez. Il faut faire qu'un avec les fez. C'est ça, c'est ça. Ça fait penser à un épisode des Simpsons où vous avez des trucs sur la tête, justement. Qui les contrôlait. Tu vas perdre... Fez is cool. Attention. 75. Alors, il va pas descendre. Allô ? Ah, attends, j'ai un souci de Fantasy Ground. Fantasy Ground n'aurait pas pu. Je te fasse un jet. Bah tiens, fais... Attends, quoique, je vais peut-être pouvoir la récupérer. Moi, je vais faire des jets. Tu perds un point de santé mentale. Ah non, je m'en sentirai jamais. Attends. C'est une grosse chute. Sur un des 4, parce que je te le dis, un point, c'est pas mal. Oh, faut relativiser, les gars. Non, en fait, quand tu entends ces murmures, ça te trouble. Limite, tu recules un petit peu. J'ai des acouphènes, en fait. J'ai des acouphènes. Tu recules un petit peu, tu te ravances pour vraiment être sûr que c'est là que tu entends. Limite, tu colles presque ton oreille sur le fez. Tu le fais pas, hein. Mais tu colles presque. Ah, on a perdu. Non, je le ferai pas. Je pense que coller l'oreille sur le fez, mauvaise idée. Mais non, tu confirmes, ces murmures que tu entends viennent bien du fez. Qu'est-ce que tu fais? Je demande aux deux gaillards de s'arrêter, hein. 2 secondes, il faut que je vérifie quelque chose. Ça me trouble. Oui. Ben, je pose délicatement la partie des membres décrépits que je tiens. Je le pose aussi. Je sors mon petit couteau et je vais donner un coup de canif dans le fez, mais pour voir si ça c'est vivant, en fait, j'ai l'impression. Que se passe-t-il si je donne un petit coup de canif? Tu vois que le canif s'enfonce un peu dedans et tu sens que, aussi incroyable que ça puisse paraître, même si tu pousser de toutes tes forces, il pourrait pas traverser le fez, en fait. Et là, t'entends. J'entends rien, c'est quoi? Ça fait un bruit spongieux. Un peu, tu sais, l'éponge qui fait... Très bien, je me représente le truc. Donc, le fez est maudit. Je répète, le fez est maudit. Je pense que mes camarades voient ce qui se passe là avec le couteau là. Ouais, ils te voient. D'ailleurs, ils sont un peu surpris de te voir commencer à triturer le machin, tu vois. Mais d'ailleurs, au moment où tu fais ça, ils entendent aussi le bruit spongieux dégueulasse. Et je vais dire à George de pas toucher à ce truc. Et je vais essayer de trouver un truc, de pas toucher au fez. Et je vais trouver un linge et on va le mettre dessus sur sa tronche. Bien, alors, parce que, au moment où tu vas t'apprêtes à faire ça. En fait, je pouvais imaginer que l'homme qui est allongé, lui, a une respiration très proche de la fin. Et le professeur Smith s'approche pour lui aussi essayer de se rendre compte par lui-même de ce qui se passe. Et vous voyez qu'au moment où il s'approche, d'un coup, la personne qui est allongée se met à hurler. Mais un hurlement, mais horrible, et se convulse dans tous les sens. Vous voyez que le personnage est comme ça, en train de crier, de hurler. Ça vous fait tous reculer, tellement ça vous surprend, parce que en plus, vous étiez vraiment à côté de lui. D'un coup, il s'arrête. Il se retourne lourdement sur le lit. Et vous entendez un... Et vous voyez comme si le fez tombait petit à petit, mais comme si on lui arrachait la peau, tu sais, ça fait un bruit de... Comme si on lui comme si on lui scalpait la tête et qu'on tirait la peau, tu vois. Et... C'est fait par le fez. Hein ? On dirait que c'est fait par le fez lui-même. Non, non, en fait, le fez, en fait, il est en train de tomber. Mais en fait, le mouvement, quand il est en train de tomber, ça fait un bruit de comme si, en fait, la chair partait avec, si tu veux. D'accord. Et au même moment qu'il se passe ça, au moment où le fez va vraiment tomber, la personne expire pour la dernière fois. Et, selon toute vraisemblance, vient de mourir devant vous. Le fez tombe par terre, dans un bruit... spongieux, comme si vraiment vous aviez pris une éponge gorgée d'eau et que ça tombait par terre, ça a fait un splotch. Et la personne vient de mourir. Je l'ai pas tué là, je regarde les autres. Non, bah là forcément, on va moins bien parler. Non mais là, on brûle ce machin là. Qu'est-ce que vous faites? Je tente de ramasser le fez. Non mais vous en approchez pas. Non, ils pourront pas aller le récupérer, cette personne, maintenant. Tu prends le fez? Tu le prends comment? Genre je me dis, non mais soyez pas superstitieux, c'est un fez spongieux quoi. Donc au moment où tu prends le fez dans les mains, tu peux me faire un jet de constitution, s'il te plaît. Ah. Alors, ça te fait quoi? C'est con, hein, la constitution, ah, c'est con. Bah, là, ça a l'air d'être important, donc je vais mettre les points de chance, là. Il y en a un qui va faire fusion. T'avais quoi? T'avais 70 en const? Ouais. Eh bien... Ouais, je suis moins 17, du coup. Ok, d'accord. Bah, au moment où tu prends le truc... Vous allez vous mettre en mute, comme ça je vais lui dire à lui ce qui va se passer. En privé, comment tu vas morfler, petit? Je le sens. En fait, au moment où tu prends le fez, tu es pris d'une vague, mais de nausée qui te remonte. Et limite, c'est quasiment en train de... Tu vas pour gerber dans tout ton corps, tu sens comme si t'étais super mal en fait. T'as un froid, t'as chaud, et tu sens que la source de tout ça vient du fez, et que tu t'apprêtes vraiment, si tu gardes encore le truc dans les mains, tout ce que t'as mangé, ça finit par terre. Je lâche directement. Ok. George Banks, lui, il est dans un autre monde. Gasser! Il veut pas revenir. Il a dit que... Ah. Le regard s'est levé. Gasser! Que de suspense. Oh, Anna, il veut pas. Ça y est, il voulait pas venir, Gassa. Non, j'étais juste en train de dire en fait les fiches des PDF. Alors pendant que vous êtes en train d'observer en fait le professeur Harry Worth en train de choper le fez. Au moment où vous voyez qu'il chope le fez, pour vous, ce que vous voyez, c'est tout simplement quelqu'un qui à la porte du malaise, qui est limite, qui va peut-être gerber dans quelques instants. Quelques secondes après avoir tenu ça dans ses mains, il le lâche. Et vous voyez qu'il se tient presque la bouche, il va pour... Il a deux doigts de vomir, quoi. Ouais, c'est contagieux, faut pas y toucher à ça. Hein. Ouais, il a l'air d'avoir une maladie très particulière. J'ai mal au cœur, je pense que je... Monsieur Smith, faut le brûler, ça, non? Avant de brûler quoi que ce soit, déjà écartez-vous, mon ami. Et... Je m'écarte. Respirez. J'ai pas eu ça depuis... Depuis que j'ai eu la variole. Alors attends, j'essaye de... Par contre, oui, effectivement, la réaction de Monsieur Smith m'intéresse particulièrement, parce que à la base, on devait le transporter d'un point A à un point B, mais vu qu'il meurt au milieu, est-ce que... On n'a même pas fait les escaliers, les gars, c'est vrai. C'était ridicule. La mission est vraiment... Bravo, les gars, mission accomplie. Ah, on l'a enlevé. Je suis sûr que c'est de ma faute, tu vois, c'est parce que j'ai donné un coup de couteau, quoi. J'ai tapé le cerveau. Le cerveau du fez, il a fait « Oh non !» Bah oui, non, mais c'est logique. On m'agresse. Enfin, c'est logique pour des joueurs, pour les personnages, pas forcément, mais... Non, mais c'est juste que le fez est porteur de maladies vénériennes, un truc comme ça, quoi. En contact, t'es contaminé, et puis voilà. Ça vient de Turquie. Vous êtes en train de discuter sur ce qui vient de se passer. Vous êtes un peu troublé aussi par toute la situation. Le professeur Smith, lui, essaye de comprendre un peu ce qui vient de se passer. Il est en train de discuter avec le médecin, Neil Sobs. Le médecin, d'ailleurs, qui, lui, s'est penché un peu plus sur le corps de la personne qui vient maintenant de décéder. Quand... D'un coup, toute lumière, enfin bougie, tout ce qui est une source de lumière dans la pièce disparaît. Vous êtes plongé dans un noir presque absolu. La seule chose aussi incroyable que ça puisse paraître, qui soit une source de lumière dans la pièce, c'est le fez qui dégage une lueur rouge, pourpre, non mais faut sortir là. Horrible, mais elle est alors c'est pas très lumineux, ça fait juste assez pour faire une légère teinte pourpre dans la pièce, mais c'est quand même très sombre. D'un coup, vous entendez le Docteur Niels Hobbs criait. Il hurle. Vous entendez un bruit de chair. Comme si quelqu'un venait de se faire bouffer, littéralement. Et là, vous comprenez très rapidement que la personne qui était morte n'était pas tant que ça. Et qu'elle vient de sauter à la gorge du médecin. Oh mon Dieu! Je dégaine mon flingue, je tire. Mais non, il est mort! Le médecin, lui, est en train de crier, il est atroce, il essaie de repousser la personne. Il réussit finalement à se redégager. Vous voyez qu'il a la joue en lambeaux, vraiment un morceau de joue qui est tombé comme ça. Il tombe par terre et ça révèle vraiment la personne qui est devant vous, qui est maintenant quasiment en train de se relever. Vous notez que... Alors attention... Je vais vous montrer ce que vous voyez. Je tire dessus. Bon, tu vas tirer. Non, mais il est pas mort, ne tire pas dessus. Tu vas tous nous tuer. Mathieu, vous nous entendez? Qu'est-ce qui vous arrive? Mathieu? Oui, il s'appelle Mathieu Poupe, je crois. Poupe en plus? Bah, il fallait écouter, hein. Moi j'ai noté Mathieu Poupe. Il est où? Il est mort. Ouais, on le sait ça. Ça va finir en Deadland, tout ça, je suis sûr. Hein? Ah, alors, excellent jeu de rôle. Alors, c'est bien. Pendant ce temps-là, improvisé, je m'occupe de. Ouais, de je vous dis, hein, j'ai du alors, un meuble, vous une êtes table, dans les contrées Texas. C'est vous qui avez changé la musique ? Oui, un village. C'est pas moi. Non, c'est le Fez. Je te jure que c'est le Fez. Ça serait trop bien qu'il y ait un compte le Fez qui se connecte tout à coup sur le. Ouais, tout le Fez. Et qui commence à contrôler. En vrai, si on arrive jusqu'en Turquie, je veux que mon personnage ait un Fez. Par souvenir. Et en fait, on va tous le faire par en mode ah tiens, c'était rigolo cette histoire, on va tous mettre un Fez, ils vont tous être contaminés, on va tous mourir. Non, mais tu sais, ça sort tout super raciste. Mais non, si tu. Oui, en fait, oui. Très cliché, un peu raciste. On est dans les années 30, on est dans les années 1800. Le racisme, parce que ça existe en 1800. Ça n'existait même pas dans le vocabulaire. C'était la normalité. Écoutez, je le trouve pas, donc tant pis. En fait, c'était pour vous donner à peu près une idée de ce que vous voyez. En fait, ce que vous voyez, c'est un espèce de humanoïde qui a des griffes, littéralement. Ah oui. Ses mains se sont transformées et en gros, il a une espèce de langue immense. Reptilienne, enfin de serpent qui sort de sa bouche, mais elle est genre un mètre quoi, un truc immense ça fait peur. Je pense qu'il vous peut êtes lutter. Terrifié. Je te dis, hein, je sors mon Colt 45, je tire, bam bam bam, piou piou piou. Ça finit en dernier tout ça. Bah, regarde, ça y est, j'ai trouvé, alléluia, voilà, voyez ce que vous voyez. Je lui balance une chaise à la gueule. Ah, c'était Mathieu. Mathieu Pouk, du moins ce qu'il en reste. Je préférais largement Mathieu Poup. C'était pas mal ça. Bah, Poup en même temps. Ouais, mais non, pas Poup. Donc voilà, vous voyez ceci devant vous. Un espèce de monstre. Fesses, oui, le Fez est tombé. Ah oui, c'est vrai. Je et il s'est transformé en une espèce de monstre. Vous avez vu le professeur Niels Hobbs hurler et se dégager. Il a le visage en sang, la joue qui tombe littéralement comme ça. Et il est tombé sur le sol. Il est le cul par terre en train de hurler « Sauvez-moi ! Sauvez-moi !» Donc, capitaine, tu décides de tirer. Ouais. D'accord. Comment j'ai fait vu que les compétences sont un peu bizarres. C'est pas faux. Alors. En plus, je peux pas ouvrir Discord parce que sinon je foire tout le truc. T'as 60%, je crois. Ouais, t'as 60. Non. 60, c'est en bagarre. 35 aussi. L'arme de poing, 55. 55. Ok. Donc tu me fais un jet de sang et après on verra. Ça dépend, t'as pris quoi comme arme? 57, allez. J'ai combien de points de chance? Je dépense des chances. Attends, j'ai 2 points, ouais, c'est ça? Ouais, tu dois avoir... 55. Moi ouais, j'ai 65. 55. J'ai 65 sur la feuille, mais 55, t'es sûr? Ça doit être bon. Entre 55 et 60. Je vois sur le truc, ça a l'air d'être 55. Bah si c'est 55, on va aller sur 55, c'est pas grave. On va suivre la fiche officielle, pas celle de Discord. Ouais, je serais juste le tir avec des points de chance et voilà. D'accord, et bien du coup, alors, attends, je vais juste regarder ton inventaire. Tu as un... ton arme, c'est un Enfield. Un Colt 45. Ah, un Colt 45, exactement. Ah, t'arrêtes de rhino avec, quoi. Donc, bon. Hein? Avec le Colt, il arrête des rhino, donc je pense que ça peut passer. Alors, le Colt 45, normalement, c'est... Oh putain, c'est horrible. Ça me flingue tout, en fait. C'est 1 des 10 plus 4, par l'ensemble. Et bah, tu fais 1 des 10 et on rajoutera 4. Bim! Oh! Punaise. Ah, ça fait 13 en total. Ça fait 13. Oh la vache. ça, c'est... Tu blagues pas, toi, hein. Non. Tu blagues pas. Ah non, non, tu blagues pas, hein. Alors, attends. Elle est où, la fiche de lui, là? Du méchant, pas beau. Mais pas méchant. Il faut arrêter les clichés comme ça, je veux dire, c'est bon. C'est pas méchant, c'est gentil, c'est pas gentil, t'es méchant. C'est pas manchi, t'es pas gentil, t'es méchant. Mais gentil, méchant. Alors, je vais le trouver, ne vous inquiétez pas, ça va aller vite. Hop, j'espère. Bon, c'est pas grave. Pourquoi je le trouve pas? Pourquoi tu veux pas te trouver? Bon, écoute, tu tires sur lui. Tu vois que il prend une balle quasiment dans la mâchoire. T'as légèrement, enfin, comme si t'avais tiré de côté en fait. Tu vois la mâchoire s'arracher, la langue en fait qui était avec sans va. Vous voyez une mâchoire qui tombe avec un morceau de langue. Il est quasiment effondré par terre, mais il est encore debout. Il va pour continuer à se lever et il se dirige, vous voyez qu'il se dirige vers le professeur Smith qui lui est sonné par ce qui vient de se passer. Il n'arrive plus à bouger littéralement. Je veux dégainer et tirer aussi. Je peux? Vas-y. J'ai une arme à feu. Eh ben vas-y, tire. Alors. C'est surtout, il y a aussi un truc, c'est qu'on a dû appeler les flics là, avec le coup de feu en plein milieu du quartier le plus pourri. Là, c'est fini. Je n'ai pas grave. Un bison 3. Mais tu préfères que Monsieur Smith y meure, c'est ça? Je préfère pas aller en prison, c'est. Non. Écoute, la prison ce n'est rien face à la mort de Monsieur Smith. C'est vrai que la prison turque, je m'en souviens, ouais. Ouais. Oula, attention. Hein. En plus, ce film est très cliché et raciste. Même s'il est excellent. Alors, moi je l'aime beaucoup. Attends, je cherche juste en fait la stat. Et si j'ai pas, je mets 20, c'est ça? Normalement, est-ce que c'est écrit que t'as une arme à feu déjà? Moi, bah, de toute façon, il dit venez armé. Je suis une armée. Ouais. Mais après, tu me diras ce que t'as pris. Si jamais t'avais pas d'arme, on dira que tu me l'avais dit quand même. C'est pas grave. Bah, de toute façon, je pense que j'ai juste un petit truc. Après, c'est vrai que bon, je suis étranger, peut-être qu'avec le racisme. Je sais pas où c'est noté l'équipe. Mais normalement c'est noté dans combat. Dans combat? Ouais, mais là, les fiches, j'ai l'impression qu'elles sont à chier, excusez-moi. En fait, combat, j'ai que bagarre en fait. Ouais, mais pareil, moi j'ai bagarre et mon. Et dans votre fiche de personnage. J'ai un 38. C'est-à-dire que je suis pas armé en fait. En fait. Mais non, ouais. J'ai un 38 automatique dans la fiche de personnage. Ah, bah alors, c'est bon alors. Bah écoute. On va dire que le capitaine Barrington est un soldat, donc il a 55. Donc je suppose que toi, en étant historien, tu vas avoir le minimum. Je sais pas, tu t'es pas forcément 20. Donc on va faire ça sur du 20. 20, ok. Allez. Ah, dommage. Ok, donc tu tires, mais tu vois qu'en fait t'es tellement stressé, tellement c'est tellement compliqué. En plus il fait sombre, t'as oui. Tout cet truc-là, et donc tu tires et en fait tu tires dans le plafond. Ouais, parce qu'il m'avait insulté en plus. Ah, que faites-vous les deux autres? Vous voyez que le tu voyez qu'il se rapproche petit à petit au fur et à mesure que vous êtes, il est quasiment à 1 mètre. Allez, 2 mètres du professeur Smith. Il faut agir. Pardon? Je lui balance une chaise à la gueule. J'avais compris chaussette, moi, c'est pour ça que je rigolais. Tu balances une chaise, donc en gros, tu lui balances ou tu viens lui écraser sur la tronche? Bon, allez, je vais lui écraser sur la tronche. C'est parti. Ok, donc tu vas me faire un jet de. Qu'est-ce que ça pourrait être, ça? Ben, de la force. Ouais. Non, c'est brawl. Normalement, ouais. C'est le truc, la compétence par défaut du combat au corps à corps. Ouais, voilà. Bagarre. Ok. Ouais, c'est bagarre. Bagarre. Yeah. Fais le bagarre. Le bagarre. Et bagarre, il sait le faire. Ça, je sais le faire. Alors, ça te donne quoi? 37. Et c'était quoi ta compétence 60. En bagarre? 60. Ok, donc ce que tu vas faire, c'est que, on va dire qu'une chaise écrasée. Alors, sur la tête, pas balancé, ça va faire plus de dégâts. Donc tu vas me faire un D6. Si t'as un impact, ça peut jouer. Hein. Alors tu vois que effectivement tu lui éclates la chaise sur la tronche. La chaise explose, hein. Mais que ça a très peu d'influence sur lui. Tu vois qu'il bouge un peu, il fait deux pas en arrière, donc il s'éloigne un peu du professeur Smith. Mais du coup, ton action, qui a en soi a réussi à détourner ce monstre du professeur Smith, mais du coup, il se dirige vers toi. Maintenant, il ne reste qu'une personne qui puisse peut-être changer la donne. Ce n'est autre que Worth. Je donne un coup de couteau. Où? Comme ça, au pif, dans la tête. Non, mais je vais lui crever l'œil. Hein. Je vais essayer de le mettre dans la tête. Alors. Ouais, c'est bien s'il voit personne. En gros, j'imagine que tu es pas face à lui, parce que vous étiez un peu tous. Voilà. Donc tu dois te situer un petit peu en arrière de lui, légèrement sur un côté. J'étais pas très loin du docteur. Je le dis quand même, parce que comme j'avais le fez, je l'ai certainement. D'accord. Bah, disons qu'il se dirigeait vers vous. Et que l'action de George Banks a détourné, donc il a pivoté vers lui, du coup te laissant toi un flanc de la créature. Donc vas-y, je te laisse utiliser. Alors je pense que ça va être combat corps à corps ou mêlée. Oui, toujours. J'ai 25. Oh putain. Faut que je retrouve attaque. Hein, c'est combat corps à corps, je crois. Je trouve pas. Ça doit être fighting, allez, c'est parti. C'est fighting. Yes, 66. Qu'on est content. Effectivement, tu vas pour lui mettre un énorme coup de couteau au niveau du visage. Mais tu vois que dans la précipitation, dans le fait que il bouge, et le fait que je tremble un peu là. Tu vois qu'il bouge légèrement, même pas pour esquiver ton geste, c'est qu'il bouge pour aller faire quelque chose et que tu effleures sa tête, ça lui passe à côté. Il se trouve maintenant devant toi, George Banks. Il va maintenant essayer, si j'arrive à retrouver ses stats, te faire quelque chose. Si j'arrive à retrouver ses stats, mais je sais qu'il y en a eu. Il a raté de toute façon, moi. Pas possible. Elles sont ces stats à lui là. Pourquoi ils sont obligés d'aller mettre le truc le plus loin possible en fait? Ils pourraient mettre les choses juste à côté, tu vois. Mais non, il faut qu'ils mettent. Il commence à rager. Hein? Le MJ commence à rager. Bah ouais, c'est pas cool quoi. Attends. Écoutez, c'est limite, il faut aller du tout en bas. Bon, laisse le MJ rager, hein, c'est bon. Ouais, bah, non. Hein. Dans le doute, on dit qu'il a raté au pire. Bon, pas ça. Bah, écoute, on va mettre ça. Voilà, allez. Hop. Ok. Alors le dessin, il est où le dessin? Faut que tu fasses un clic droit sur le D10. Et ensuite c'est sur la roue, c'est la deuxième en partant, si tu le prends en midi, bah c'est 11h. Tu cliques dessus, il y a un truc qui sera à pourcentage qui sera à 2h. Est-ce que je me suis fait comprendre? Non. Ok. Mais sinon il y a un dessin tout à droite normalement. Ah oui? Ah j'ai pas vu. Bah oui. Il se précipite vers toi. Tu vois sa main qui se lève, qui va pour s'abattre sur toi. Au moment où tu sens que tu vas t'en manger une belle dans la gueule, c'est le moment ou parce que tu as peut-être de la chance, George Banks. Peut-être que tu avais prémédité ton coup, George Banks. Mais la chaise que tu avais cassée précédemment sur lui, un des morceaux n'était pas complètement cassé et son pied vient s'enchevêtrer dedans, ce qui le fait dévier, en fait, le fait trébucher et il te loupe. Que faites-vous ? Il est en train de tomber quasiment. Il est, vous savez, il va peut-être se rattraper, mais je profite qu'il soit tombé. Je fais un pas en avant, je vise bien la tête et boum encore. Ok, bah vas-y, je te laisse tirer. Et la balle traverse le plancher et tue la concierge. Putain, mais enfin, j'ai un succès quand même. Je donne des bonnes idées au MJ. Vas-y, fais ton D10. Non mais là, 9. Là tu fais mal, là aucun être okay. Humain. Au moment où tu vois qu'il va pour tomber, pas. Il se retient avec sa main, en gros pour pas vraiment tomber, donc tu vois qu'il est un peu en équilibre comme ça sur le sol. Tu t'approches de lui, tu vois que tu poses le canon sur sa tête, tu tires. Voilà. C'est terminé. Game over. La créature s'effondre. Vous voyez que de ses blessures s'échappe pas du sang, mais une espèce de liquide visqueux, voire noir, dégueulasse, comme si c'était pourri en fait de l'intérieur. Et dans un dernier jet d'agonie, c'est vraiment la fin. Et là, vous savez que c'est terminé. Au même moment, vous voyez le professeur Smith qui commence à crier et qui vous demande de « Détruisez le Fez ! Détruisez-le ! Allez vite !» J'y vais à coup de poing, parce que je suis fort en bagarre. Tu veux pas juste marcher dessus ? Ok, donc tu vas me faire un jet de constitution. Je vais faire de la bagarre. Oh, je vais faire de la bagarre. Bon, allez, va pas en constitution. J'ai 14. Comment je fais? Est-ce que je peux constitution? Je peux le lancer directement. Bah, je pense que tu fais 14 x 5, c'est ton résultat total. Ouais, non, mais t'es gâté. Hop. C'est beau. Ils sont sérieux? Oh là là! Non, mais c'est. Surtout en plus, à mon frère, j'avais raté un geste que je l'avais pas mis au bon endroit et il avait aussi raté. Fantasy Ground commence à me redétester. Moi, je vais le laisser jouer tout seul, hein, c'est pas grave. Au moment où... Bon, on sait pas le frapper. Puis j'avais 70, hein, quand même. Au moment où tu commences à vouloir le mettre un coup, au moment où ta main vient en contact avec le fez, tu es pris d'une violente convulsion. Tu sens que tu as du chaud, froid, ton estomac il se retourne, et au moment où tu frappes, tu te tiens le ventre, tu te plies en deux et tu vomis comme jamais tu as vomi dans ta vie. Tout ce que tu as mangé de toute la journée et peut-être de la veille et fini sur le sol recouvre le fez. Et tu sens que limite ça t'a sonné et tu finis le cul par terre en train de te tenir comme ça. Que faites-vous les autres? Vous voyez Kassim Polat à moitié dans le... Enfin, en train de se faire un malaise, vomir. Je sors un petit gobelet, je fais « Si tu veux vomir, vomis là-dedans. » Dans un fez. Il vomit dans le fez. Comment faire, voyons. Vous entendez toujours le professeur Smith « Mais détruisez-le, détruisez-le !» Ah oui, merde, le fez. Laissez-moi faire. J'agrippe le drap, tu vois, du lit. Je le dépose sur le fez, je donne un coup de pied dans le fez pour l'enrouler. Enfin, tu as le drap au-dessus pour pas toucher. Ouais, pour que ça l'enveloppe en fait, voilà. Ouais, et après? Bah, faut le détruire. Bah, tu le détruis comment? Avec un drap? Je mets feu au drap. Ah, ok. Tu mets le feu au drap avec une bougie qui restait dans le coin. Ouais. Et tu veux qu'il doit avoir un petit briquet comme ça. Ouais, ou un briquet si tu veux, hein, soit. le drap part plus ou moins rapidement. Ça sent que. Il faut aussi noter que votre ami Cassim Polat a vomi quelque peu sur le fez, donc il est un peu humide, hein, ce fez. Voilà. Et donc, c'était mon plan depuis le début. Le drap, effectivement, commence à prendre. Ça commence à faire une belle flamme autour de ce fez. Vous vous dites, ma foi, c'est bon. Et au bout de quelques instants, le drap. C'est quand même d'éteindre l'incendie si ça. Le drap, c'est, le drap s'est consumé, mais vous avez la stupeur de voir que le fez est intact, même pas brûlé, mais d'un millimètre. Bah, moi, je vais essayer de le couper au couteau. Hein. On avait vu que c'était spongeux, bah, je vais essayer de faire... Ok, mais bah, d'un coup, tu te jettes dessus, tu commences à le barder de couteau. Vous voyez Harry Worth qui est en train de stabber là, et que à chaque fois que tu fais ça, le couteau à aucun moment ne rentre à l'intérieur du fez. C'est comme si il se pliait et qu'il revenait dans sa position. Et ça sert à rien, bordel. C'est pas un couteau factice que t'as. On le met dans l'eau, on l'enterre, je sais pas ce qu'on va faire. Bon, au bout d'un moment, le professeur Smith commence à prendre les initiatives. Vous voyez qu'avec son pied, il prend le fez, il le pousse dans un sac qu'il avait, dans une sacoche. Il ferme le fez et vous voyez qu'il commence à partir. Effectivement, au même moment, vous entendez le bruit significatif des bobbies qui sifflent avec leur sifflet dans la rue et qui commencent à débouler dans qui seront là dans quelques instants. Mais on suit le voilà, ouais. Taillot. Je laisse tout le monde sur place, je trace. Une fuite à l'anglaise. Oh, ça tombe bien. Oh. Ok, donc vous le suivez, vous descendez assez rapidement les marches, vous voyez les voisins qui sont un peu tous sortis, ça pullule de gens, on dit « Qu'est-ce qui se passe, madame? Mais c'est quoi ces coups de feu? Mais on a entendu des cris, mais c'est horrible, mais ça vient encore de cette chambre, c'est pas possible !» Et eux, ils vous voient « Mais qui vous êtes? Qui êtes-vous ?» Et vous voyez, vous, j'imagine que vous laissez pas le professeur, enfin le docteur avec sa joue en lambeau. Peut-être vous le prenez non, ou vous le laissez sur place. Vous l'amenez. Donc, vous voyez les voisins qui voient le docteur avec une joue en lambeau, qui est en train de hurler, qui saigne de partout. Mais qu'est-ce que c'est? Mais c'est horrible. Mais qu'est-ce que vous lui avez fait? Mais c'est pas possible. Et tout ça en descendant, la concierge qui vous voit, qui elle aussi ne comprend pas ce qui se passe. Vous voyez le professeur Smith qui déboule, qui a réussi à choper un cab dans le secteur, donc un cocher avec les chevaux, tout ça. Ils vous disent, allez montez, dépêchez-vous. On monte. Vous montez tous, et voilà, vous partez. Fait, bon, on y va, on va chez moi, on en rediscutera là-bas pour l'instant. Mais faut qu'on finisse. Et vous voyez que ça trace. Vous êtes parti. Je peux essayer de le soigner le docteur ou pas? Si tu veux essayer. Bon, après, peut-être il peut te donner des conseils pour t'aider à faire en sorte que tu y arrives mieux. Ou t'as pas besoin, t'es déjà très très fort en soignage. Je suis déjà très très fort, hein. Je suis très très fort. D'ailleurs, je l'ai raté de là. Tu l'as raté? Ouais, j'ai fait 70 pour 45. Ok, bah en fait, ce que tu vois, c'est t'essayes de prendre dans les affaires, parce que il a quand même, par réflexe, pris sa trousse, enfin sa sacoche de médecin. Tu l'ouvres, tu commences à chercher des trucs à droite à gauche, et là tu tombes sur une bouteille. Tu penses que c'est quelque chose qui va bien te servir, et en fait, tu prends la mauvaise. C'est une bouteille d'alcool, mais chargée, bien malaise. Et en le fait, truc, c'est de l'éther, tu sais. Tu utilises un coton que tu lui mets, et tu vois qu'il se met à hurler dans dans le truc, enfin à l'intérieur du taxi, hein, si je puis dire. Et d'ailleurs, le taxi, le chauffeur, il dit, mais qu'est-ce qui se passe dedans? Ça, ah, s'il il hurle, c'est qu'il est encore vivant. Bon, après, vous voyez le professeur Smith qui essaie de dire, mais vous inquiétez pas, tout va bien, monsieur le cocher, avancez, avancez. Vous voyez le professeur Smith qui est clairement en sueur. Il est pas bien du tout. Il dit, écoutez, mes amis, je sais que vous êtes plein de questions. Vous avez certainement des millions de questions à me poser en ce moment même. Sachez que une fois qu'on arrivera chez moi, j'ai encore besoin de aller voir, enfin de passer du temps dans ma bibliothèque personnelle pour essayer d'éclaircir la situation par rapport aux données que j'ai en ma possession. Ça me prendra certainement toute la nuit pour éclaircir les choses et vous donner demain matin des explications sur ce qui est en train de se passer en ce moment. Moi-même, j'avoue que je suis un peu dépassé par la situation, même si j'ai plus d'informations que vous par rapport à cette situation, mais j'ai quand même besoin encore de clarifier les choses et j'aurai besoin de cette nuit de m'y atteler. Sachez que demain, nous irons tous à l'Oriental Club et je vous éclaircirai la situation par rapport à tout ça. Mais sachez que je suis heureux de vous avoir avec moi, que vous n'avez pas idée de combien vous êtes important dans ce qui va se passer plus tard. Vous arrivez donc chez le professeur Smith. Il fait, vous avez son majordome qui est là, qui commence à s'occuper de vos affaires, qui vous donne une chambre à chacun. Vous pouvez vous rincer, vous sustenter si vous avez besoin, boire un coup. Je vais pas manger. Non, j'ai vu quelqu'un vomir, j'ai vu quelqu'un mourir, j'ai vu quelqu'un se faire attaquer. Je vais pas dormir de la nuit, donc j'ai passé la nuit à côté de la cheminée. À faire n'importe quoi. Déjà, recharger mon arme parce que j'ai perdu 2 balles dans l'eau. D'accord. Et les autres, est-ce que vous avez des choses à faire en particulier ou... Je mange, je bois, je dors. Pareil. Rien de particulier, ouais. Écoutez, sur ce, mes amis, je pense que essayez d'aller vous reposer. Même si j'imagine que votre nuit va être un petit peu agitée, essayez tout de même d'aller vous reposer et demain matin nous pourrons rediscuter de tout ça. Ah, tiens, je viens de trouver le monstre, la fiche du truc. Maintenant, c'est triste. Attends, est-ce que j'avais bon dans. Ok, d'accord. Bah heureusement que j'ai pris une autre fiche que celle-là. Vous avez eu chaud, les gars. Je vous le dis. Je disais bien que c'était une saleté d'horreur qu'il fallait shooter au premier mouvement. T'as vu, hein? Ouais. Alors, du coup. Votre nuit va être assez agitée, tous. Vous, est-ce qu'il y a des gens qui veulent essayer de ne pas dormir? Moi. Ok, donc tu vas me faire un jet de constitution, s'il te plaît. C'est bon. Tu parles le plus grand des phénomènes incroyables, arrive à tenir le coup. De par ton expérience de soldat, ce genre de situation de stress intense, tu l'as déjà vécu, notamment en Afghanistan, où pendant les combats, vous étiez tu subissais les tirs de balles qui étaient constants et donc quelque part tu sais ça, tu connais ça. Ouais. Bon, après c'est vrai que le café t'aide beaucoup pour tenir. Mais malgré tout, malgré cette résistance, au bout d'un certain temps, beaucoup plus tard bien sûr que les autres, tu finis quand même par t'endormir de fatigue. Parce que... Comment est-ce possible? J'ai fait un succès extrême. Attends, j'ai même pas vu ton jet. Bon. Tu t'endors 5 minutes avant le réveil de tout le monde. Non, tu arrives à tenir. Ouais, non. Tu sais pas comment t'as fait. Par contre, sache que la journée que tu vas passer là, celle qui va suivre, tu vas être dans un pâté, mais monstrueux. C'est pour ça qu'il faut du café encore et qu'il faut pas m'approcher parce que sinon. Et que malheureusement, compétences pourraient subir quelques modifications suite à cette nuit que tu n'as pas passée. Okay. Pour les autres, vous endormez et vous allez me faire un jet de San. Alors, question, est-ce que c'est normal que j'ai que 5 de santé mentale parce que la fiche a été modifiée ou... Non, c'est pas normal. Non, c'est pas normal. D'accord. Oh, donc normalement, je suis à 13, à mon max. C'est 13. Non, c'est mes PV, ça. Attends, parce que... Je sais pas. Et attends, mais est-ce qu'il écrit sur le PDF, la SAN et tout? Ça sera plus rapide. Ouais, non, je pense... Non. Il y est, hein. De toute façon, il est forcément la SAN sur... De toute façon, on a perdu de la SAN. Ouais, mais enfin, vous avez pas... Vous avez, 75, vous, 75. Voilà, vos personnages, en soi, ils ont perdu de la SAN, mais... Mais combien? Parce que moi, là, je sais pas, du coup. Non, mais... Enfin, mon perso, attention, vous avez un nouveau personnage, donc là, pour l'instant, c'est la première fois que toi, tu tires un jet de SAN, on est d'accord? Oui. Avec Cassim. Sur cette Romax qui est écrit sur la feuille, sur la voilà, fiche. Voilà, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Ok, donc je suis à 75, pas à 50. D'accord, c'est ça. D'ailleurs, mec, il est... Ah, bah voilà. Par contre, alors attention, parce que moi, je stipule pas forcément à chaque fois, mais n'oubliez pas que... de cocher vos réussites. Il y a des gens qui ont réussi des choses. Moi, j'ai rien réussi. Si vous cochez pas ou vous notez pas quelque part... Alors, par exemple, constitution, je pense pas que ça puisse évoluer. Parce que tu peux pas faire évoluer ta constitution. Mais par exemple, un jet de tir, tu as réussi, capitaine, à tirer avec ton arme. Donc, tu dois cocher ton jet en tir. Arme de poing. Après, note-le toi sur un papier, et puis moi je. Ou marque-le dans le chat de Discord. Comme ça, au moins, je peux le voir. Réussite, arme de poing. Et comme ça, je le noterai. Voilà. Sinon, il n'y a personne d'autre qui a oublié de noter ses réussites. Non, c'est bon. Ok. Donc, voyons voir ces jets de San. Alors, succès extrême. George Banks. George Banks. J'ai vu 18 et la fois, je viens de voir 78 en fait. Pour éviter, je vais le faire devant avec tout le monde parce que bon, là c'est. Tu t'es endormi difficilement. Tu as ressassé beaucoup ce qui s'est passé. Tu revois encore la scène où tu étais proche de te faire tuer quelque part par cette bête. Tu as vu que ta vie défiler jusqu'au moment où, par la plus grande chance, la bête est tombée. Dans ton sommeil, tu revis la même chose, mais comme si c'était vrai. Comme si tu revivais, mais vraiment les choses. Et une chose s'ajoute à ça, chose que tu n'avais toi pas entendue jusqu'à présent, un chuchotement. Un chuchotement mais dans une langue que tu ne comprends pas. Quelque chose de presque envoûtant. Et du coup, quand... Alors, hop. Attends, je vais te dire. Hop. Tu veux, je vais te faire ça. Hop. Bon, écoute, tout le monde va le voir, c'est pas grave. Tu perds 4 points de santé mentale. Mal. Cette nuit a été horrible. Au moment où quand tu te réveilleras le lendemain matin, tu auras la barre là, mais très prononcée, un mal de crâne, mais carabiné. Et pendant un certain temps, après ton réveil, tu continueras encore à entendre ce fameux chuchotement en fond. Les deux autres, aussi surprenant que ça puisse paraître, vous avez réussi à dormir à peu près bien. Peut-être quelques petits cauchemars pour toi, Harry. Mais rien d'insurmontable. Par contre, toi, Kassim, une nuit parfaite. Tu as presque fait de beaux rêves. Aussi incroyable que ça puisse paraître. Donc du coup, quand tu te réveilles le matin, tout va bien. Tu te sens en bonne forme, t'as bien récupéré. Tu as presque même oublié ce qui s'est passé la nuit précédente. Bon, tu n'as pas oublié, mais... Voilà. Quand vous vous retrouvez tous dans le salon, vous voyez... le capitaine Barrington avec des cernes immenses, ouais, marquées jusque-là. C'est une naissance. Il est dans un état de fatigue prononcé. Et vous vous demandez, mais est-ce qu'il a vraiment dormi? Je vous laisse un petit peu la main. Ça va, capitaine? Bonjour, vous voulez un café? Vous avez vraiment besoin de vous reposer, j'imagine. Ouais, plus tard. Ça attendra. Le devoir avant tout. Un café pour moi, s'il vous plaît. Moi aussi. Je connais une bonne recette de café. C'est à partir de grains noirs, torréfié. Oui, le majordome qui arrive, qui vous sert. Non, mais je leur sers, moi, parce que la carafe, elle est à côté, elle est encore assez chaude. Ah, bah, écoute, bah, dans ce cas-là, c'est Barrington qui vous sert un café. Ouais, je suis british, mais quand même, on va laisser les manières de côté un peu de temps en temps. Vous êtes d'accord, ce qui s'est passé hier était particulier, je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu ce genre d'horreur, même en plein milieu de bataille. Ok. En réalité, je me suis posé la question si le professeur Smith n'en savait pas beaucoup plus et savait ce qui allait se dérouler et allait s'y faire. Étrange, mais ça a une longue date, hein, donc je lui fais confiance. Sur ce, vous voyez le majordome qui vient vers vous et vous écoutez. Le professeur Smith a préféré vous laisser vous reposer au mieux. Il m'a demandé de vous transmettre comme quoi il vous attendait directement à l'Oriental Club. Il est déjà sur les lieux, il a continué à travailler là-bas parce qu'il avait besoin de documents qui étaient sur place. Donc il vous attendra à l'Oriental Club directement. Donc dès que vous serez prêt, n'hésitez pas et je ferai mander un cocher pour vous emmener directement là-bas. Et oui, qui repart à ses activités en attendant que vous le Vu que vous êtes réveillé, on va prendre nos petits déjeuners, puis on y va. Je crois que le cavalier est servi. Oui, on va prendre un petit déjeuner. Il faut se renforcer avant de peut-être avoir des explications beaucoup trop pseudo-scientifiques, pseudo-intellectuelles. Eh oui, je pense que c'est une bonne chose, effectivement. Donc, sur ce, vous prenez votre petit déjeuner qui vous fait du bien. Hein. George Banks, quelque part, ça t'a fait du bien quand même. Tu vois, ça fait partir cette petite barre qui te gênait. Et le fait que t'aies mangé, maintenant, le chuchotement n'est plus. Tu n'entends plus ce chuchotement. En ce qui concerne toi, Barrington, malgré le fait que tu prennes un bon petit déjeuner, la fatigue est toujours présente. Tu fins la... J'ai pour idée de faire un petit saut durant le discours de notre ami Smith. D'accord, donc tu fins voilà. Devant tes amis l'énergie, mais en vrai, tu sais que tu es épuisé. En ce qui concerne le Harry, ça t'a fait du bien, ce petit déjeuner, ça t'a requinqué. C'était un peu moyen, mais soit. Quand même, t'as dormi, ça va mieux. Par contre, toi, Cassie... Moi, j'ai dormi. Fabuleux. Le petit déj était super bon. Tu pètes la forme. Écoute, ma foi, je pense que ça va être une bonne journée. Sur ce, vous faites signe au majordome comme quoi vous allez pouvoir vous rendre à l'Oriental Club. Et c'est ce que vous faites juste après. Le cocher vous amène là-bas. Arrivé à l'Oriental Club, vous voyez donc cette immense bâtisse que vous connaissez tous pour la plupart. Hein. D'ailleurs tous même, je pense. Vous êtes tous des membres de l'Oriental Club. Et pas toi, George Banks? Je pense pas, non, c'est pas écrit. T'as jamais été? Ça n'a pas été écrit dans la fiche, moi je connais juste... Eh ben écoute, alors... Mais viens, je l'ai présenté Gertrude. C'est la première fois que tu te retrouves devant cet établissement. T'es déjà passé devant, mais t'as jamais pu rentrer. Mais étant donné que tu te trouves avec trois membres de l'Oriental Club, effectivement, ils peuvent inviter, ils ont le droit d'inviter des gens avec eux. En général, c'est une personne qui a le droit. Enfin, une par personne. Vous tenez à trois, l'embarras du choix. Tu rentres avec eux. Tu vois, c'est très oriental. Avec. C'est très typé les Indes. D'ailleurs, l'emblème de l'Oriental Club est un éléphant. Tu retrouves des. Des colos, enfin c'est très coloré, c'est très victorien également, mais magnifique, magnifique bâtisse. Tu as les yeux qui pétillent un peu, et peut-être ça éveillerait en toi quelques menus larcins à faire par-ci par-là, si quelques poches bien remplies venaient à croiser ton chemin, peut-être. Vous rentrez à l'intérieur et la personne qui est à l'entrée vous emmène directement voir le professeur Smith qui est attablé, qui a réservé une table juste pour vous. Ah mes amis, alors vous avez réussi quand même à dormir? Oui, parfaitement. Ah, écoutez, très bien, même. J'ai eu un peu de mal, pour être honnête, à me concentrer sur mes travaux. Mais bon, je n'avais pas le choix. Il fallait absolument que nous avancions dans cette histoire. Mais n'ayez crainte. J'ai des informations à vous donner. Après, elles ne seront peut-être pas forcément de bonnes nouvelles. Pour nous. Comme je vous l'ai dit, la personne que nous avons... Enfin, cette créature... que nous avons, que vous avez affronté, était en fait un certain Mathieu Pouk. Et il était un étudiant d'un de mes amis les plus proches, qui est le professeur Demir. Comment dire? Vous voyez devant lui qu'il y a une pile de télégrammes. Et il commence à les prendre en main. Et puis écoutez, j'ai envoyé cette nuit des télégrammes à l'attention de mon ami Démir. Et j'ai eu des réponses ce matin. Écoutez, nous allons voir ça ensemble. Donc, vous voyez qu'il commence à prendre des télégrammes. Non, je vais les choper. Ah, d'accord. Attendez. Attendez une seconde. Voilà. Ah mais non, ça va pas du tout. Non, non, non, c'est pas ça. Non, parce qu'en fait, je pensais avoir la fiche le Fantasy Ground du joueur, mais je ne sais pas, pour une raison qui me dépasse, c'est l'autre Fantasy Ground. Pourquoi, monsieur dame? En fait, j'ai les deux mêmes. Bon, bah, tant pis, c'est pas grave, on fera ça. Tant pis. Donc les gens voient ce que je, enfin, voient mais ce que moi je fais en tant que MJ. Pourtant, j'ai deux sessions ouvertes. Je comprends pas. Donc sur ce, il y a un télégramme. Attends. Hop. Attends, c'est le 1. Le 2, excusez-moi. Hop. Hop. Suisse lundi. Et le dernier. Alors. Tu voyais qu'il commence par un des premiers qui vient donc de ce fameux professeur d'Émir qui dit ceci. Est surveillé, activité du culte, stop. Homme nommé Mancaf possède terrible objet, fez rouge sang, stop. Se rend en Angleterre pour raison inconnue. Stop. Mon étudiant à Londres a accepté de le suivre et de me faire un rapport. Ça, c'est le premier truc qu'il a reçu. Ensuite, voilà. Alors, le fez est très dangereux. Stop. Impossible à détruire. Stop. Ne jamais le poser ne jamais le mettre. Stop. Des alliés doivent l'amener de toute urgence à Constantinople. Stop. J'utiliserai mes connaissances pour le détruire. Stop. Prévenez-les. Que leur vie est en danger. Stop. Je les retrouverai à Circassie. Fin du message. Et du coup, tu as un autre message qui lui est arrivé quasiment dans la foulée, hein, enfin ou même avant. Pouk, mon étudiant a tenté de voler le fez. Je l'ai prévenu que Minecraft était dangereux, mais il n'a pas écouté. J'ai peur pour lui. Il a votre adresse à Londres. Stop, s'il vous plaît, aidez-le. Donc, vous avez à peu près ce qui s'est passé. Il a essayé de le voler et malheureusement, je pense que... Ouais. Pour que je me remette dans le contexte, moi je suis arrivé à l'Oriental Club, j'ai croqué vite fait un machin qu'il y avait sur la table, et puis j'ai piqué du nez. Hein. Ok, bah donc vous voyez tous Barrington. Voilà, juste qui... pendant qu'il y a les télégrammes qui. Ok, vous voyez tous Barrington qui s'est effondré sur la table. Non, mais je pique du nez, je m'effondre pas comme ça. Ouais, non, mais dans le sens que. C'est comme ça, quoi. Ouais. Donc au bout d'un moment, je pense que tu dors. Hein. Du coup, j'imagine que les messages sont très clairs. Le Fez ne peut être détruit et il faut l'amener le plus vite possible à votre ami Demir. C'est ça. À Seskis. Oui. Et écoutez, je pense que c'est ça. Enfin, c'est clair. Aujourd'hui, nous n'avons pas d'autre choix que de faire parvenir ce Fez. Et d'ailleurs, vous voyez qu'il sort une sacoche, enfin une espèce de sacoche, et dans la sacoche, il y a une boîte, et il vous dit que dans cette boîte, il y a le Fez. Ok. Donc il a vraiment voulu protéger un maximum pour pas que les gens puissent rentrer en contact, donc il a mis le Fez dans une boîte qui est dans un sac. Dans une sacoche, quoi. Il dit, mes amis, ce que je vais vous demander est vraiment difficile pour moi à faire, mais je n'ai pas le choix. Vous êtes les seules personnes qui sont capables aujourd'hui d'entreprendre cela, et je vais vous demander, bien sûr, je ne peux vous forcer, mes amis, j'en suis conscient. Mais de vous rendre à Constantinople pour donner ceci à mon ami Demir. Là où c'est le plus dur pour moi, c'est que je ne pourrai pas venir avec vous. Je tiens à vous expliquer pourquoi, parce que ce serait normal. Disons que je tiens Demir en haute estime, c'est presque un frère pour moi. Et pour une raison, c'est qu'il m'a sauvé la vie quand j'étais à Constantinople. Disons qu'il m'a sauvé d'un groupe de plus dangereux encore que ce fameux groupe de ce certain Minecraft qui est dont le chef s'appelle Selim Makriat. Et du coup, ma tête est mise à prix. Si je retourne là-bas, ces gens me tueront. Je ne peux donc pas décemment me rendre là-bas. Et en plus, je ne serai que une cible ambulante et un poids pour vous. Puisque je vous mettrai en danger également par ma seule présence. Donc je vous demanderai, s'il vous plaît, mes amis, d'y aller pour moi. Il faudrait que vous preniez l'Orient Express en direction de Constantinople. Il n'y a pas de problème, mon ami. Écoutez, c'est peut-être les événements qui s'est passé hier, ce que j'ai vu et ce que j'ai bien envie de détruire aussi, c'est ce qui s'est passé avec ce Fez. J'ai moi-même ressenti ces effets et je sais que de nature, qu'il est extrêmement dangereux de le laisser en état, et je ferai en sorte, même si je devrais le faire seul, de le rendre à votre ami pour qu'il puisse le détruire. Vous avez la parole. Ah, merci beaucoup, je vous serai à jamais redevable, pardon. Et vous autres, mes amis, qu'en pensez-vous? Bien, je suis. Pour me payer tout ça. L'argent n'est pas un problème, Bill George. Sache que je me doute que l'Orient Express et le voyage coûteront très cher, Mais c'est pour cela que j'ai fait appel à un mécène, un ami qui est un riche autrichien qui s'appelle le baron von Hoefler, qui est un occultiste bien connu, qui a conscience de ce dont vous avez entre les mains, et qui paiera le voyage. Par contre, vous ne pourrez le rencontrer qu'à partir de Vienne. Il prendra l'Orient Express au niveau de la ville de Vienne et il vous accompagnera jusqu'à Constantinople. C'est très urbain, ça. De ce que j'ai compris, le baron détiendrait des informations capitales sur le Fès. Il est tel un chevalier en croisade contre les forces du mal, si je puis dire. C'est son credo. Il veut chasser toute chose maléfique de ce monde. Du coup, pour lui, tout ceci est une chose normale et bien sûr, il prendra à ses frais toutes vos dépenses et le voyage. D'accord. Voilà. Nous avons convenu du coup de prendre les billets pour le prochain train. Ce qui fait que vous partirez dans 2 jours. voilà, vous quitterez Londres dans 2 jours pour vous rendre à Chalon-sur-Marne. Chalon-sur-Marne étant le point de départ de l'Orient Express. Voilà, en ce qui concerne ces personnes avec les fesses que vous avez peut-être croisées, je ne sais pas si quelqu'un d'entre vous en a croisé depuis son arrivée. Ils sont très dangereux. Sachez que ceux qui sont avec ce fameux mannequin sont extrêmement dangereux. Donc, dans la plupart du temps, essayez de fuir, d'éviter le combat. Après, si à un moment vous n'avez pas le choix, évidemment. Voilà, mais au maximum, essayez de fuir, s'il vous plaît. Je ne m'en remettrai pas qu'il vous arrive quelque chose. Ensuite, pour terminer, je pense qu'il serait de bonne. Enfin, il serait bon de peut-être vous rendre sur les lieux de là où vit Mathieu Pouk. Peut-être aurait-il des informations intéressantes pour vous, pour nous tous, qui pourraient nous aider dans tout cela, étant donné qu'il a quand même collecté des informations jusqu'à. Par rapport à ce Fès. Donc essayez peut-être avant de partir vous rendre chez lui. J'ai son adresse, je vous la communique tout de suite. Vous voyez qu'il note sur un papier l'adresse pour aller directement le voir. Donc il vit chez sa famille, donc il y a c'est sa famille là-bas, quoi. Écoutez, voilà, c'est la seule chose que je peux vous dire. Vous voyez qu'il sort les billets pour l'Orient Express. Il vous les donne. Oui. Il vous donne quelques livres aussi par la même occasion. Un autre livre qu'il ne pourra ouvrir que sur le ferry. Non. Quelques livres, l'oseille. Des livres, des pesos. Des pesetas. Je pensais qu'il allait nous donner le bouquin. Ouais, un scénario dans le scénario du... Non, on va éviter quand même. Là, on n'est pas en poupée russe. Scénario-ception. C'est la gigogne, c'est la... Tuit. Non. C'est très sympa. Ouais, ce genre de livre, c'est pour ça que c'était une campagne très longue. C'est que... C'est pas un scénario de flashback imbriqué. Voilà. Ça, et en fait, quand tu finis le dernier, t'arrives à que t'es à Constantinople et en train de faire « Ouais, bon, c'est bon, on a fini. Ok, d'accord, c'est bon, merci. » C'est bien pas le trajet, ça va. Comme un livre, en fait. En fait, on a vécu les histoires de quelqu'un à travers un livre. C'est tout. Bon. Du coup, il me donne de la thune, le gars. Ouais, il vous donne de l'oseille et ouais. Bon, pas autant que ce que vos personnages. Et George, avez... c'est papa qui régale. Mais ouais. Assez pour voilà pour faire 2-3 trucs et pour être un peu tranquille jusqu'à ce que vous rencontriez le baron Von Hofler à Vienne. Du coup. Il vous dit que bon, il a encore des trucs à faire. Il va rester encore dans l'Oriental Club. Vous pouvez tout à fait rester là ou commencer, enfin peut-être vous rendre directement, sachant que on est le matin. Enfin, hein, on arrive proche du midi, donc vous pourrez faire ça l'après-midi, d'aller vous rendre chez Mathieu Pouk, comme vous voulez. Alors, je propose juste une chose, parce que là, maintenant, on est responsable du Fez. Maintenant, oui, vous l'avez en main. Maintenant, vous avez le Fez avec vous. Donc, petite chose en plus, c'est de protéger la personne qui a la boîte avec le Fez. Pour le coup, je pense que ici, il est en sécurité. Hein. Sans avoir trop peur, je pense que si quelqu'un attend ici, il devrait être en sécurité. Par contre, si on va chez Pouk, qui s'est fait enlever, séquestrer, il y a quand même des chances qu'il soit surveillé. Donc, je me méfierais un peu si on y va avec le Fez. Il y a peut-être encore des gars qui surveillent, peut-être justement si quelqu'un retournait voir Pouk, ou même si Pouk revenait chez lui, quoi. Alors, vous voyez discrètement le professeur Suisse se lever, se diriger vers Barrington. Et poser sa main sur dans son dos comme ça. Fait Roderick. Roderick. Hein. Ouais. Vous allez bien? Ça va, un petit coup de fatigue et puis j'ai bien mangé, ça m'a voilà. Écoutez, je suppose que pour vous avoir vu, vous n'avez pas forcément écouté tout ce que j'ai dit. Je laisserai vos amis vous expliquer ce qu'il en retourne et j'espère que vous ferez le bon choix. Sur ce, Okay. Je lui dis merci encore, Roderick, pour ce que vous avez fait hier et j'espère vraiment que vous serez des nôtres. Et il s'en va. Alors, que faites-vous? Je lui dis au revoir, et puis bon, avec l'expectative, non? Allez, je me remets un café. Ouais, j'étais en train de dire quoi. Non, du coup, je pense que quelqu'un devrait rester ici à l'Oriental Club quand d'autres vont aller voir peut-être chez Mathieu Pouk. Mathieu Pouk. Peut-être des personnes. Tu sais, je regarde les gens, tu sais. Mm-hmm. Non, mais voilà. Ouais, y a pas de soucis. Pour mettre qui va rester si quelqu'un doit rester. Peut-être du méta ce que je vais dire, mais pour mettre les trucs en sécurité, il y a rien de mieux qu'un coffre. Non mais ici, quoi. Je veux dire, je pense que le lieu ici est quand même bien sécurisé pour le moment. Mm-hmm. Ou au moins secret. Alors, j'attends. Que vous me donnez ce que vous vouliez faire, comment vous organisez. Moi, de base, je voulais me rendre à la maison Pouk, hein, donc. Alors qui suit Harry Worth? Pourquoi pas. Mon ami Cassim. Ouais. D'ailleurs, oui, votre ami, vous êtes amis, vous connaissez. Oui, moi, je suis ami avec tout le monde, ouais, c'est bon. J'ai volé ma bosse. Ton fils caché qui est là, d'ailleurs. Ouais, bon, ça. Je l'appelle le bâtard en secret. Mais oui, dire. Un gars, c'est pareil. Il n'a pas entendu ce que j'ai dit. Alors, que faire? Est-ce que vous proposez, vu que vous avez tous remarqué que Barrington est épuisé, vous lui proposez de rester ici, ouais, de surveiller le Fez, et que vous trois, vous iriez voir la demeure de Mathieu Pouk? Oui, pourquoi pas, ouais, c'est une bonne idée, ça. Tiens, j'avais pas pensé, l'autre qui est fatigué. Après, moi, je vous oriente pas. Non, mais oui, en plus, c'est vrai que comme ici, c'est plus ou moins déjà en sécurité, autant le laisser se reposer et... Tu vas faire une bonne sieste. Bon, je te mets à la garderie. Capitaine Barrington, je pense que vous n'êtes pas en état aujourd'hui de... Non, ça va très bien. Ça mène une conversation longue et... Mais je vais très bien. Je pense que vos patients narcoleptiques nous regardent voilà, pas. Voilà, je ne suis pas narcoleptique. Vous avez pour... comme nous, vous avez accepté de protéger ce Fez et de l'amener jusqu'à Constantinople. Je pense qu'on pourrait tous... Pour l'instant, il a rien dit, il dormait. Attention, oui, pour l'instant, il a rien dit, il dormait. On anticipe. Il dit quoi ? On a tous vu vos capacités. On a tous vu vos capacités de tir. Et c'est moi qui dois payer ? Qu'est-ce que j'ai accepté ? Vos capacités de tir et de l'armée et de votre entraînement, je pense que vous êtes parmi... Mais tout à fait, ouais. Nous autres, vous êtes le plus à même de garder ce Fez en sécurité. Et je pense que pour bien commencer, peut-être vous reposer avec dans l'esprit de protéger ce Fez dans ce lieu. T'as coupé dans ce quoi ? Dans ce lieu. De protéger ce Fez dans ce lieu-là ? Oui, donc oui. Ouais, ok. Puis voilà, vous pouvez vous prendre des collations. Je pense que vous connaissez assez bien l'Oriental Club. Et qui c'est qui a réglé l'addition ? C'est réglé, c'est sur la note de Smith. Et d'ailleurs, tout est sur la note de Smith. J'ai l'argent de Smith, donc... Donc tu acceptes, Barrington, de rester ici et de veiller bravement, tel un soldat de l'Empire britannique, sur cet artefact qui est très important, hein, comme sur la prunelle de tes yeux, sur ta vie, jamais tu ne perdras ce Fez. Artefact maléfique. Voilà. Et vous trois, vous commencez à sortir de l'Oriental Club. Au moment où vous franchissez la porte, vous allez me faire un jet talk. Mais est-ce qu'on a bien laissé la boîte là-bas ? Mais est-ce qu'on nous a laissé la boîte ? Elle est où ? Attendez, je cherche toc. Hein. Toc, ah oui, toc. Mais c'est vrai. Non, c'est... je crois que j'ai 20. Hein. Non. Oh, mais moi, j'ai fait une réussite... T'as que 20, non ? T'as pas 20, toc. Non, t'as mais pas 20, J'ai combien, alors ? Non, t'as pas 64, sur le PDF là, que t'as passé, j'ai pas toc, hein. Ah si, 55. Ah bah voilà, pardon. C'est bon. Oui, mais j'ai mal lu. Donc, tu fais une réussite majeure aussi. Ok, moi donc, aussi. George Banks, tu vois, tu n'es pas maudit, Cassim. George Banks, tu ouvres la porte, tu es le premier à sortir. Tu sors, quoi. Tout va bien. Voilà, t'es là, tu vois de belles femmes passer dans le coin. Alors c'est un quartier que t'as pas forcément l'habitude de voir, donc c'est un quartier assez huppé, hein. Donc tu vois les gens, d'un côté tu vois un homme avec une belle montre Gousset, que tu vois, c'est tout à fait le genre de montre que j'aimerais avoir. comment je pourrais m'y prendre pour lui faire. De l'autre côté tu vois des belles femmes passer avec leurs ombrelles. Soit nous sommes en octobre, c'est pas ça fait la meilleure des dates, nous sommes le 16 octobre du coup. Et bon, mais oui, c'est une belle journée quand même, ça va. Donc tu vois les femmes, tu as l'œil qui pétille. Ouais, non, mais en plus là je sors du. Non, il y avait que des vieux croutons, là je suis content quoi. Cassim, toi, quand tu sors. Déjà, il y a un bruit qui te surprend. T'entends un... Tiens, quelqu'un est en train de boire de l'eau gazeuse. Bizarre. J'en veux, j'ai soif. Non. Vous deux, Kassim et toi, Harry, qui boit aussi de gazeuse, vous balayez du regard la rue et quelque chose vous titille. Quelque chose vous titille. Vous arrivez à... Vous devinez... Non, vous êtes sûr qu'en face de la rue, il y a plusieurs hommes qui portent des fezes. Et qui ont l'air un peu de regarder dans votre direction, mais en mode plus... je ziote un petit peu, pas forcément, c'est pas genre, ils vont pas venir d'un coup sur vous, comme s'ils vous épiaient, comme si vous étiez surveillé ou qu'ils regardaient l'entrée de l'Oriental Club. Psst. Psst. Vous voyez ce que je vois? On fait un peu semblant de discuter entre nous, voilà, en se tournant George Banks, lui, il dit carrément. Ah, je vois, elles sont vachement belles, les filles. George, oui. George. Avec son doigt. George. Quoi? Oui, de l'autre côté de la rue. Non, plus loin. Plus discrètement, plus discrètement, s'il te plaît. Ben, George, effectivement, tu prends attention de ce que dit Kassim. Effectivement, tu regardes de l'autre côté de la rue. Et discret. Tu remarques effectivement des hommes qui portent des fezes et qui regardent dans votre direction. Est-ce qu'on fait bien de le laisser là, en fait, finalement? D'attendre juste qu'on sorte avec le colis, je pense. On va pas sortir avec une mallette directement où il n'y a rien dedans. Enfin, c'est... Ouais. Ça serait... Bah après on est déjà dehors en fait là. Ouais, mais on est que trois. Il y a peut-être moyen qu'il y en a un qui fasse demi-tour et qui revienne avec la mallette. On va merde, j'ai failli l'oublier quoi. Ouais. Bon, mais je pense qu'il serait peut-être bien d'appeler un peu les forces de l'ordre pour dire que des gens avec des fezes terrorisent la... franchement ça va marcher, ils vont être en prison pendant un certain temps. Alors, je ne suis pas sûr, mon ami, et je n'aimerais éviter ce genre de sous-entendu avec moi, quand même. Vous allez tous me faire... un jet de santé, ils s'en rendent compte. Un jet d'idée, intelligence. Un jet d'idée, directement. Vous avez une idée. Intelligence. Moi compris. Ah bah non, toi t'es à l'intérieur, donc tu vas pas être... Bah non, l'air a l'air du pas de tout le monde, elle a l'air de la même heure. Ouais, non mais... Après, j'ai pensé que tu aurais compris cette... Genre, un gilet... Ah oui, je pense qu'il y a des gens dehors, et je devrais y aller. Genre, là, mais je suis très con, faut m'expliquer longtemps. Extrêmement intelligent, attention. Ouais, on a un groupe intelligent, en fait. Donc là, vous avez... Ok. Donc... toi, George Banks... Tu analyses la situation et de par le fait que ce genre de situation t'arrive, puisque tu es un escroc et que bah, des fois il faut arriver à s'échapper, tu te dis que ce serait peut-être pas une mauvaise chose de re-rentrer tous ensemble à l'intérieur et peut-être sortir par une porte dérobée de l'autre côté. Il y a des portes dérobées peut-être, oui. Non mais genre, la porte de livraison de l'autre côté du bâtiment, tu vois. Il y a des artistes et tout ça. Ouais. Il y a pas d'artistes, il y a pas d'entrée des artistes dans l'Oriental Club, oui, c'est un club. Oui, la porte de derrière, quoi. Il y a beaucoup trop de sous-entendus sexuels. non, vraiment, en fait, du coup, le truc, c'est que... Dans tous les cas, il va falloir le prévenir et on fait comment? Prévenir. Ouais, mais en fait, c'est super suspect. À partir du moment où on est sorti et qu'on rentre comme ça d'un coup. Mais c'est pas grave. Attends, on fume notre clope, quoi. De l'autre côté, vous avez tous réussi. Toi, Cassive, par contre, là, on imagine que vous êtes chacun dans vos têtes, hein, vous n'êtes pas en train de discuter de ça. Toi, Cassive, tu notes que bah, la rue, il y a beaucoup de cochers qui sont stationnés. Et notamment, il y en a un, là, qui est devant vous. Pourquoi pas ne pas prendre un cocher et partir. Ils pourront pas forcément vous suivre directement. Bah, en fait, à la limite, moi, ça me dérange moins qu'on me suive que l'inverse. Parce que s'ils vont à l'intérieur, il y a plus de chances qu'ils trouvent ce qu'ils cherchent que s'ils nous suivent. S'ils nous suivent, nous, on est en danger, mais ils ont pas le fez. Ouais, ils vont pas rentrer à l'intérieur. Après, le troisième, qui est Harold, qui lui aussi a réussi. Je ah oui, mais j'utilise tout. Se dit, honnêtement, la lumière fut, voilà, quand il va... Voilà, l'idée est venue, la lumière est arrivée. Donc toi, Harold, en fait, tu te dis, mais l'Oriental Club, tu rentres pas comme ça. Et ces gars-là, même si c'est des gens... Enfin, pour rentrer, il faut qu'ils soient quelqu'un. Il faut qu'ils soient membres de l'Oriental Club. Ils vont pas rentrer comme ça. En plus, c'est un quartier qui est très huppé, donc il y a beaucoup de police. Donc tu vois vraiment pas... des gars rentrer comme ça dans l'Oriental Club pour attendre. Au pire, peut-être prévenir les gars à l'intérieur, que ce soit Barrington ou le professeur Smith, de rester là et, ou de leur dire attention, il y a des gars dedans et de sortir mais par là. On les connaît pas ces mecs, mais oui. Après, bah, après c'est des gens avec des fesses, mais tu sais que. Enfin, tu devines que c'est pas. Des gens de la haute société, tu vois, c'est ils sont pas. Ils... Ouais, ouais, bah, s'ils explosent tout l'Oriental Club, ouais, on mais sait non, jamais. Non, non. Et les flics. Non. Après, clairement, enfin après c'est ce que tu vous êtes tous en train de penser chacun de votre côté, donc voilà. Après en soi on pourrait, de toute façon à base au plan de base c'est juste qu'on se casse et on s'en fout d'eux, mais. Le truc, c'est que quoi qu'on fasse, en fait, on a l'air plus suspect que si on continuerait pas juste notre plan, en fait. Parce que si on tourne en arrière, c'est un peu... Non, mais ils savent que c'est nous qui cherchent. Ils nous ont vus... C'est ça. Hier soir, donc, vaut mieux rentrer directement, passer par derrière, pour pas se faire repérer. Au moins, brouiller les pistes. Au pire, on a l'air suspect, mais comme ça, au moins, ils savent pas où... Mais... En fait, le truc, c'est que, honnêtement, je suis à leur place. Ils savent que c'est nous. Ils nous ont sûrement vus, hein. Ils sont en guetté d'entrée. Hein. C'est pas parce qu'ils nous suivent pas du regard que... on re-rentre. Ils comprennent qu'on va pas juste re-rentrer pour boire un verre. Forcément, ils vont faire un plan d'action. Ils vont aller surveiller les ruelles, etc. Voir s'il y a pas une sortie, quoi. Enfin, c'est... Je serais à leur place, moi, je réagirais comme ça. Non, hein. En sachant que au ça pire, fait... Cocher. Allez nous attendre derrière. En sachant que là... Ça fait 10 minutes que vous êtes devant la porte de l'Oriental Club en train de discuter. Ouais, on va y aller, on prend le cocher et on va. Non, mais on va essayer de que. Non, on va pas attendre. Vos regards de temps en temps vont dans leur direction. Peut-être. Bah. Ah. Non, mais prenons le cocher. En fait, suivons le plan de base. Ayons confiance en notre ami narcoleptique. Mais pas vraiment. Qui est certainement plus compétent que nous trois réunis. Exactement. Eh bien, écoutez, allons-y. Sur ce, vous prenez le premier cocher qui est d'ailleurs en face de vous. Vous ne pouvez pas faire mieux, il est juste là. Donc, vous ailez le cocher et vous lui donnez en fait l'adresse de ce Mathieu Pouk. Et que dire qu'il est dans le quartier de Lambeth. Alors, Lambeth, à cette époque-là, c'est l'équivalent de Whitechapel. En un peu moins malfamé, un peu moins crade, mais à savoir que quand même c'est pas un super quartier et que bah il va falloir faire attention à vos poches quand vous allez y aller. Vous vous rendez du coup sur les lieux, vous arrivez du coup en face de son immeuble. C'est un bâtiment assez étroit. Vous vous arrivez en bas, vous voyez qu'il y a une concierge. S'appelle Josiah Griggs. Que faites-vous? Oh, excusez-moi. Donc, tout de suite, moi, je nous présente tous. Nous sommes. Je suis un des professeurs de. Oui, bonjour de d'abord. Bonjour, madame. Qu'est-ce que je peux vous faire pour vous, mon bon monsieur? Je suis l'un des professeurs de Mathieu. Mathieu. J'ai... Ouais. Qu'est-ce qu'il a fait encore, celui-là? Ben, écoutez, il a un ouvrage qui m'appartient et il ne l'a toujours pas rendu. Je suis venu le chercher en personne. Un ouvrage très important. Et vous êtes qui d'abord? Je suis le professeur Harold. Je suis un des professeurs de Mathieu. Hein. Bah, écoutez. Moi, je vous laisse passer, mon bon monsieur. Avec vos deux amis, là. Seulement, il va falloir payer. Parce que là, le petit Mathieu, là, il me doit encore 5 livres. Il m'a toujours pas payé. Donc c'est simple. Si vous remboursez pas ses dettes, vous mettez même pas un pied dans l'appartement. Alors, par contre, on est ses professeurs, pas ses parents, en fait. Mais je veux pas le savoir. J'attends à ce que il me doit 5 livres. Si vous êtes ses amis, vous pouvez faire ça pour lui. Alors, professeur ne veut pas dire ami. Oui, enfin bon, pour moi c'est du pareil au même. Si vous voulez avoir rentrer dans son appartement, c'est ça ou rien. Et commencez pas. Sinon, moi j'appelle les bobbies. Hein. Mais écoute, non mais c'est incroyable. Non mais mon livre vaut plus que 5 livres. Donc je sors 4 livres et je lui tends. Non, c'est pas 4, c'est 5, monsieur. C'est vrai que je suis pas professeur de mathématiques et je lui tends un 5e billet. Ouais. Bon, bah allez-y. Montez à l'étage. Ah non, excusez-moi. Ça, c'est l'autre Jozo. Lui, il vit au rez-de-chaussée, c'est là-bas, au couloir à gauche. Nous a même pas. Vous avez des clés pour nous ouvrir? Elle te jette le trousseau, là. Allez, allez. Et vous m'amènerez tout ça. Et allez pas voler les trucs, hein. Je sais ce qu'il y a dedans. Mm-hmm. Bah, il y a mon livre. Ouais. Nous n'avions aucunement dérobé quelque chose chez ce bon Mathieu. Bah, s'il n'est pas capable de dérober, il n'y a rien dedans. Hein. Enfin, bref. On rentre, moi j'ouvre la porte et puis on rentre à l'intérieur et on ferme derrière nous. Hein. Ok, donc vous rentrez à l'intérieur. Allez-y, qu'est-ce que vous faites? On fouille. Je fouille sous le livre. Vous voyez que quand vous rentrez, c'est un studio, il y a de la paperasse et des notes partout. Hein, il y a des lettres, c'est vraiment le bordel. Attends, je vais plutôt m'intéresser aux lettres en fait. Genre, c'est comme ma chambre. Voler, mais... C'est comme d'accord. Tout mon appart. Ok, bah tu vas me faire un petit jet de toc. Bien bizarrement. Oh, je suis étonné. J'aurais cru que. Voilà. J'aurais cru que j'aurais fait un jet de suicide. Ah, c'est pas mal ça. Est-ce que je peux relancer dans une. S'il vous plaît. Pardon ? C'est parce que j'ai glissé, j'avais pas bien pris les dés. Là, tu te vénères contre les lettres. Elle a fait mes 5 livres! Alors attention, sache que tu as aussi une possibilité que vous n'avez toujours pas utilisée, qui est de pousser le jet. Alors à savoir. Si on l'a déjà utilisé. Oui, bah là, pour l'instant, vous ne l'avez pas utilisé. Si tu pousses le jet, ouais. Tu as une deuxième chance, donc tu relances littéralement ton jet. Ouais. Et Si tu loupes, j'ai 55% de chance de réussir, et en plus de ça. En lisant des lettres, normalement, ça va aller. Il n'y a pas de raison que je me tue. Je pousse le jet. Allez, je suis joueur. Tu peux détruire les lettres. Oui. Tu commences à regarder l'ensemble des courriers. Il y a des lettres voilà, de ses parents, notamment. Pour toi, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Et si puis tu tombes. Tu tombes sur ça. Attends. Comment... Arrête de faire tomber les choses. Attends. C'est. Il faut que je regarde. Ah, c'est comme ça normalement. Pour attends, bien faire les choses. C'est sous de feuilles là. Sur ça. Est-ce que tu l'as reçu? Ah oui, je vois. C'est très lisible. Il faudrait vraiment que je porte des lunettes. Donc après, voilà, les autres sont là en train de chercher à droite à gauche, d'y faire ce truc. Toi, tu tombes sur ceci. Ok. Alors pendant qu'il lit, moi, je vais dire ce que je fais. Oui, vas-y. Je regarde au niveau des murs et du plancher, en fait. Pour voir s'il n'y a pas, tu vois, une sorte d'encastrement ou il y aurait une cache, ce genre de choses-là. Moi, je cherche plus sous le lit. Enfin, au lit. Ok, bah, du coup, vous commencez un peu à chercher à droite à gauche s'il n'y a pas des choses planquées, s'il n'y a pas... voilà, donc vous tombez sur des notes, sur des cours qu'il a pris avec, du coup, son professeur, hein, son professeur d'émir. Des choses un peu occultes, mais sans grand intérêt, quoi. Enfin, en gros... pour toi, Harry, c'est juste que toi tu connais déjà, que tu as déjà entendu parler, ou tu dis que ça n'a aucun rapport avec votre affaire. C'est principalement des cours, quoi. Tu sens qu'il n'y a rien en rapport direct avec le Fez. Rien de Fez dedans. Ouais, les amis. C'est ni Fez ni affaire. J'ai trouvé le journal de Matthew Pook. Le journal intime. Oui, plus ou moins. Il y a quelques petits passages qui sont intéressants et qui nous intéressent d'autant plus. Ouais. Je vous les fais parvenir incessamment sous peu, le temps que mon bras traverse. Oui, je sais. Attends. Le temps que mon bras fait un mouvement circulaire afin de te donner ce journal et les extraits voilà, qui ont été sortis. Voilà. Ça y est, vous avez reçu le journal. Ah. Et en même temps, mon bras magique permet de montrer aussi à la deuxième personne ici présente. Et tu as un troisième bras magique qui a même réussi à le montrer à quelqu'un qui n'est pas ici, qui est dans l'Oriental Club. Grand, grand bras. Quoi ? J'ai reçu un mail ? Ping ! Ça existait déjà. C'était 1800. Gmail, tout ça. Ah tiens, un tweet. Un tweet. Donc sur ce, je vais peut-être... ou alors je te laisse, ou alors je peux le lire pour les gens, parce qu'ils vont avoir un peu de difficulté à le lire. Bah, c'est vrai que le texte qui n'est pas en gras, il y a certains passages qui sont un peu compliqués pour moi. Non, je vais le lire, parce que moi je peux l'avoir en gros, si tu veux. Tu peux zoomer dessus, hein. Ouais, mais c'est pixelisé, en fait. Ouais, bah oui. Bah, ça... bah, premier extrait, Mancaf a une influence notable sur les crédules. Il transporte le fer rouge sang que le professeur m'a décrit dans une boîte marron. Ses sbires et lui ne semblent pas vouloir y toucher. Deuxième extrait. Mes recherches à la bibliothèque du British Museum ont retenu de temps à autre mes vérifications régulières quant à Mancaf et ses sbires m'informent que rien n'a changé. Ils surveillent la maison du 3 Blithering Lane à Rotten Hills. Oh, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette musique? Pourquoi elle a changé? C'est pas grave. C'est l'autre qui s'est terminé. Ouais, c'est terminé. J'ai posé quelques questions et appris qu'un collectionneur de Fez y vit. Le professeur Demir m'a dit de me montrer prudent, mais j'ai facilement pu me faufiler parmi les imbéciles que Mancaf a laissés sur place. Je suis sûr que personne ne m'a vu. Troisième extrait. Mancaf prévoit de prendre bientôt l'Orient Express pour Constantinople. Je l'ai vu acheter les billets pour ses sbires et lui-même. Si je ne sais pas à quelle date il partira, il semble vouloir quelque chose avant de quitter Londres. Et à ne pas être, et ça ne peut pas être le fait puisqu'il est arrivé à Londres avec. Quatrième extrait. J'ai décidé de voler le fez à Minecraft pendant qu'il est occupé à Rottenbile. J'entrerai dans sa chambre pour voler le fez rouge sang. Ensuite, je me hâterai de rejoindre Constantinople pour le donner au professeur d'Émir. J'imagine déjà son air ahuri. Malheureusement, je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'il a échoué. Cette musique triste. Putain, c'était beau. Et d'ailleurs, c'est sur cette musique triste, vu qu'il est déjà 23h55. Un peu de rab. Et 8 secondes. Et 8 secondes. 12 maintenant. Près, d'accord. <énorme. rire> Soit, c'est vous qui voyez. Moi, je veux bien faire un tout petit peu de rap. D'ailleurs, je vais un peu baisser le son parce que c'est un peu fort pour moi là. Ouais, l'époque, moi, j'ai baissé pas là. Non, je pense que c'est. On a fait une bonne session là. C'est bien là. On se fiche, c'est un petit cliffhanger. Puis j'ai pas beaucoup dormi cette nuit, donc si je pouvais dormir, ça serait bien. Voilà. D'ailleurs, je n'ai pas vu du tout les messages. Le capitaine aussi. Ah, tu vois, j'avais même pas vu ton message, Maxime. Pour le dire, tu vois, j'étais concentré là-dessus. J'ai vu, ah, tiens. Et bien, sur ce, mes amis, nous allons déjà clôturer.